Fou de trouvaille. C'est fou. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Marie-Laurence Audet sera des nôtres pour son segment Le Loisir bien plus qu'un jeu. Et on brassera la soupe de notre émission avec une autre recette de Master Steph. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Salut. J'aurais pensé que le vent aussi froid que ça me réveillerait plus que ça le matin. Ah, et pourtant, qu'est-ce que ça fait? Je m'en réveille pas pendant tout, je suis encore endormi. C'est quoi l'affaire? What the froid? You know, WTF, c'est de nouveau. Oh oui, what the froid? What the froid? Qu'est-ce que ça fait là, du froid de même en novembre? Ben voyons donc. J'imagine que c'est normal. Hein? Ben, c'est peut-être les dernières années qui ont été à l'encontre de la normalité. La nature. Mm-hmm. Mais moi, étant gaspésienne, c'est quelque chose de super normal. Tes yeux sont habitués à ça, toi. Ouais, c'est ça. Je suis semi-inuit, là. J'ai quasiment les yeux plissés. Je devrais me laisser pousser la barbe plus. Tu sais, les gars font ça en ce moment. Je suis laissé pousser tout. Hein, ça... Ben, il y a aussi le Movember. Ouais, ben, c'est cet accessoire, hein, ça. Mm-hmm. Mais dans le fond, c'est pour le froid. C'est pour le froid. Aujourd'hui à l'émission, Steph, on va recevoir Marie-Laurence Audet à 8h30 pour sa chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. Ah, c'est le fun ça. Elle va nous dire que sortir dehors, c'est une bonne chose à faire en ce moment pour se divertir. On devrait matcher avec Chuck Tony. Chuck Tony, mais hein, les deux chroniques de divertissement, on va se le dire. Du dehors, c'est, ouais. C'est divertissant. À 9h, ça va être toi avec Master Steph. Tellement. Tu nous fais une petite recette comme ça, trouvée sur le net. Puis je l'ai faite en pensant à toi. Ah, t'es... Oh, Mathieu Plante, tu vois, c'est ça que tu faisais. Fallait que je fouette, que je batte. Bon, donc ça, c'est à 9h en fin d'émission. On va débuter avec une grosse super portion, un peu comme de la soupe au poulet réconfortante, mais à la place, on va s'acheter des affaires sur Internet. Oh oui! Ah oui! Ça va être fun! On va faire ça dans quelques instants à peine, mais débutons avec une nouvelle pièce du palmarès francophone. Hier, on a joué presque juste ça. Ben, en fait, pas du tout, on a joué plein d'autres affaires. Mais surtout ça, hier, des nouveautés. Il en reste encore qu'on n'a pas entendu. Ah ouais? Ouais. Allons-y avec Sago et Mots de Mars au 89.fm. C'est fou! Thank you. Sago et un deuxième extrait pareil comme le premier. C'était Mot de Mars qui suit Transsibérien qui a duré 2 semaines parce que personne ne l'aimait. C'est ça que ça donne. Ça commence bien l'émission, par contre, dans le sens que ça reste relax. Et... froid. OK, oui, vas-y. On peut pas faire pire. Ça veut aller qu'en montant. Voilà. Non, c'est pas vrai du tout. Là. C'est pas vrai. On pense pas ça. On dit pas nos opinions comme ça en ondes. Donc, on va acheter des choses. Sûrement pas le CD de Sago. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Trop? C'était-tu trop? Non. Okay. C'était représentatif. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, c'est la chronique où on s'achète des choses sur Internet sans trop regarder, sans vraiment réfléchir. T'appuies sur le bouton, tes infos sont déjà là. Ben oui. C'est pas de stress. Ça s'en vient dans 4 à 6 semaines, dépendant si tu l'as fait en Chine ou pas. Donc, on commence avec les gens, Steph, je sais pas si tu sais ça, là. Mais les gens ont de plus en plus de membres dans leur famille. Ils sont tout en train d'avoir des enfants à gauche puis à droite. Ça arrête plus, cette histoire-là. Ah, ça n'a pas de bon sens. Comme des lapins. Ça copule comme des lapins. Mais pour les gens qui sont, je dirais, chanceux et qui peuvent garder leur argent pour dépenser sur des choses inutiles, ben achetez donc une chose inutile représentant le fait que vous pouvez acheter des choses inutiles. Est-ce que tu me vois venir? Moi, non. Non, c'est des collants de famille qu'on met à l'arrière de sa voiture, sur sa vitre arrière. Des canals de famille? Des collants de famille, des autocollants. Qu'on a sur les vitres arrière avec les petits membres de la famille. Ben oui. Un classique, je te dirais, à la limite... suiveux de masse. Mouton. Mouton serait un bon mot. Sauf qu'ici, à la place, c'est comme, tiens, dans ta face, les moutons, c'est, mettons, un garçon, une fille, peu importe, et des gros sacs d'argent puis des pièces de monnaie empilées. Donc, c'est juste le collant de l'argent que vous avez en n'ayant pas à payer des couches et autres trucs... comme ça, 10$ pour c'est les collants. C'est très drôle. Moi, j'aime ça. Ben, moi, j'en ai vu un de famille, mais c'était des personnages de Star Wars. Ah, cute. Pis ça, je t'avoue que ça me tente. Un peu plus cher, par contre. Ouais, ben, t'sais, hein, c'est la marque Star Wars. Tu penses? Ben, ouais. Ah, c'est peut-être même pas officiel, en plus. Non, c'est ça. Sûrement pas. Il y a sûrement plein de trucs non officiels. Ouais. Mais on s'en fout, c'est beau. C'est ça, 10$, bref, Steph. Bref, Steph, comme je t'appelle. Ben oui. Quand je parle de toi vite, c'est bref, Steph. Si je dis lentement, ça fait bref, Steph. Stéphanie, peut-être? Stéphanie, ouais, c'est ça. Pourquoi tu penses que je suis tout le temps en train d'oqueter ces temps-ci? D'oqueter? Je mange pas puis je bois pas ces temps-ci, puis je oqueter tout le temps. T'sais. Mais c'est ça le problème, t'es plein d'air. Ah, mais quand je mange. T'es chanceux de pas. Mourir? Non, mais péter. Ok. Puis quand je mange puis j'oqueter tout le temps, tout de suite après, c'est quoi ça? C'est parce que probablement que tu manges trop vite. Puis dans le fond, t'es en train de me dire que j'aimerais manger régulièrement et lentement. Ouais, à peu près, c'est bon pour la ligne aussi. Ouais. Un peu plate. Un peu plate, je trouve. Ça défait un petit peu ma vie. Ça défait peut-être l'image qu'on a de toi. Ça défrait l'image. Ça défrait l'image, comme ça défrait les coups. T'sais. Quand tu payes pour quelque chose. Bref. Ça s'en va où cette histoire-là? Je sais pas, mais quand tu vas à un carnaval, à une expo, à la ronde, peu importe. Ça défait ton image. Ça défrait mon image même, parce que ça coûte cher pour rentrer. Okay. Donc, ça défait ton image parce que tu rentres dans une maison avec des miroirs qui défont. Pas l'image, tu sais. Ça te rend tout gondolé et tout ça. Bon. Ça te rend gros, ça te rend grand, ça te rend mince. T'as pas besoin de manger lentement et... Ben non, parce que j'ai juste à m'acheter ces miroirs-là, Funhouse Mirrors, pour 408$, Steph. Juste ça. Pourquoi le 8? Bon, bonne question. Je sais pas. OK. Mais bon, pour avoir le physique que vous avez toujours désiré, c'est des designs uniques-là qui créent une image comique et distorsionnée de votre corps, tout en donnant à votre pièce une impression d'être dans un carnaval. C'est beau, hein? Ben, je sais pas. On dirait que c'est pas les mêmes effets exactement que dans les carnavals. Ouais. Il me semble que, je sais pas, ça avait l'air plus réussi dans ma tête, là. Peut-être tes photos qui sont mal prises aussi. Si déjà tu trouves laid dans la vie, ben, tu te regardes là-dedans, tu vas voir. Ça pourrait être pire, facilement. Ça, c'est un concept que j'aime bien. Malheureusement, on peut pas l'acheter, mais tu sais, une chandelle, une fois que c'est défait en cire, que c'est une grosse flaque de cire, qu'est-ce que tu fais avec? Tu la jettes, tu jettes les restants. Ben oui. Plate, c'est du gaspillage. C'est la Rekindle Candle, un concept qui utilise la cire fondue de votre chandelle pour la changer en une toute nouvelle chandelle. Ça le fait en capturant les gouttes alors qu'elles se forment et en les faisant et remettant en forme de chandelle dans le restant de la chandelle. On insère une petite tige, évidemment, dans le milieu. Et le résultat est quand même une lumière, une lampe, une chandelle de paraffine fonctionnelle qui va être plus petite que la précédente parce qu'il y a de la... quand ça brûle la cire, il y a... Oui, il y en a qui ça s'évapore. C'est ça, exactement. Si Donc, le concept est par Benjamin Shine. Et techniquement, c'est pas à vendre, comme je disais. Mais l'intérêt du public en ce moment fait qu'il a contacté plusieurs compagnies pour voir si on peut l'amener sur le marché un jour. On peut s'inscrire pour savoir quand ça va sortir aussi. Ça va sortir sur son site via assemblagerequis.com. C'est intéressant, ça. C'est super le fun, pour vrai, là. Pour les jours en manque d'électricité, là. Une chandelle pour la vie. Là. Chandelle qui brûle à jamais. Forever and ever. Maintenant, tu sais qu'en Chine, entre autres, on pollue la planète. Pour commencer, on pollue la planète, mais en Chine, c'est pire qu'ici, tu sais. La planète est polluée. Ouais, ben, sont plus. Sont plus nombreux, exactement. Donc, étant donné que ça va vraiment mal en Chine, le produit vient de là. C'est le Wearable Air Purifier. C'est un appareil assez bizarre qu'on porte sur la tête. Ça ressemble à un casque d'écoute mélangé avec presque une gigantesque oreillette Bluetooth, mais comme vraiment gigantesque. Oui, effectivement. Et donc, tu portes ça, c'est comme un casque futuriste. Et la seule raison que ça existe, c'est pour purifier l'air que tu respires. T'es-tu sérieux? Je te le promets. Ça amène donc l'air via la section du haut et ça la passe à travers des filtres et des panneaux pour enlever la poussière électrostatique. Tout ça avant de rediriger l'air dans ton nez. Une fois l'air nettoyé, c'est 99,9% libre de tout contaminant. Il y a aussi des senseurs qui vont savoir, dans le fond, où t'es allé et qu'est-ce que t'as eu à filtrer. Donc, ça va donner à votre téléphone intelligent une carte des endroits les plus sales de la ville pour peut-être éviter ces endroits-là. T'as aussi des données sur la température, l'humidité, les niveaux de CO2 et plus. Présentement, la batterie dure 6 à 8 heures, mais il prévoit augmenter ça à jusqu'à 10 heures. Ouais, parce qu'après 6 heures, tu meurs. Tiens. Parce que tu fais plus d'anticorps. Voilà. Ah, c'est ça, parce que t'es trop propre, en fait. C'est ça. C'est le purel de ton nez, finalement. C'est ça. Il devrait faire des... tu sais, les push-push puis le nez, mais de purel. Ça serait super le fun. donc, la compagnie cherche des fonds en ce moment parce que c'est pas encore disponible sur le marché, mais ça devrait s'en venir, étant donné qu'ils ramassent de l'argent. Allez voir le lien sur Assemblage Requis. Voyons donc. Ensuite, on parle de bouffe un petit peu. Steph, les guimauves, est-ce que t'aimes les guimauves? Oui, pas nature. J'aime ça quand il y a soit qui se grille sur le feu ou tu sais, fondu dans des s'mores avec du chocolat. Tellement. Ou en Corée de Rice Krispies. Oh! Mais imagine si en plus ta guimauve avait des yeux en chocolat et du glaçage à l'orange comme nez et que c'était un bonhomme de neige! Oh, c'est beau! Mais là, je peux pas y manger à la face! Ben, c'est toi, pas le choix! C'est quand même, sinon il va fondre! Dans ton chocolat chaud, fait que tu vas y boire fondre la face, pas mieux. Je suis pas cruel, je vais pas le mettre dans mon chocolat chaud. Ah, ben tu peux les manger directement, même le sac, mais. Non, je vais l'habiller, je vais l'aimer, je vais le chérir. Tu vas l'appeler comment? Jack. Jack Frost. Tu sais, le film, ben oui. Jack Frost, Jack. C'était tellement un beau film. Jack Nicholson. Oh, j'ai donc bien hâte au film de Noël tout d'un coup. Jack White. Jack White. Jack Black. Non. Il tape ses nerfs, lui. Il me tape ses nerfs. Donc, après vous être versé un verre de chocolat chaud cet hiver, ajoutez un petit peu de marshmallow snowman pour voir fondre des bonhommes de neige comme dans un spa, toi. Non. Oui. C'est fait de vanille. C'est fait avec de la vanille, entre autres. C'est fait à la main. Ça vient de Belgique. Et c'est des têtes de bonhommes de neige avec des yeux en chocolat, comme je t'ai dit tantôt. La bouche est aussi en chocolat et du glaçage à l'orange comme nez. Ça vient en sac de 12. Miam, hein? Ouais, bravo, super bon. Tu pourrais, j'imagine, faire le reste du bonhomme de neige avec d'autres sortes de grosses guimauves. Si je aurais le corps un petit peu comme. Carré et capucci un peu. Cylindrique, si on veut. Je devrais essayer de faire mes propres guimauves, parce que c'est quand même relativement facile. Et moi, je pourrais les couper en carré parce que je saurais pas comment faire des cylindres. Et je pourrais faire des bonhommes de neige style Minecraft. Ah, mais ça, oui, Minecraft en cube. Hein? Oui. C'est cool, ça. Hey, tes guimauves, tu les appellerais comment? Mes guimauves. Des Jodoins. Des geeks qui manquent d'air, genre. Okay. Guy Joutier. Peut-être pas. Guy Lepage. Non, moi, Guy Jodoin. Guy Jodoin. Oui, Guy Jodoin. Exactement. Okay. Ouais. On parle d'alcool maintenant. Faire son propre drink, Steph Nye, ça peut être difficile des fois. Oui. Les proportions. Ah. Les proportions, les portions. Eh oui. Comme le spag, là. C'est ça. Combien t'en fais pour combien de personnes? Je m'en fais trois fois trop, t'sais. Mais oui. Puis quand t'es trop, ben, t'en fais pas assez. Si t'en avais t'es trop, t'es appelé comment, Christian t'es trop? Ça va faire. Le barman avec un 4 à la place des A, hein, pour être vraiment dans la tendance 2014 de parler avec des lettres au lieu des chiffres ou des lettres. Là, c'est vraiment dans le temps. C'est là que ça se passe, toi. Donc, barman, c'est un shaker à cocktail rempli de technologie. Un accéléromètre, un module Bluetooth, un senseur de poids. Un accéléromètre. Un accéléromètre, senseur de poids. Donc, une fois connecté à votre téléphone intelligent, vous avez qu'à charger la recette que vous voulez, commencer à verser les ingrédients directement dans le shaker. Ça va vous dire quand arrêter de verser par rapport au poids. Lorsque tu changes d'ingrédients, quand changer d'ingrédients, ça va te le dire. Ça va aussi te dire combien de glace mettre et quelle sorte de glace. Aussi, la durée du shakage et s'il faut que tu brasses au lieu de shaker. Comme à la cuillère au lieu de shaker, James Bond, c'est ça. Bref, donc il y a aussi des trucs sociaux qui vous permettent de partager vos recettes. Ben oui, tu m'étonnes. Ben ok. Et aussi, dans le fond, tu peux partager c'est ça, les résultats et les recettes. C'est un projet Kickstarter en ce moment. On attend la livraison à l'été 2015, parfait pour la saison des drinks, je pense. 119$ pour miser à mettre présentement sur le projet. Ça va monter avec le temps, donc participez rapidement. 119$, c'est le barman avec des 4 et des A. Ben... C'est vraiment laid. Vraiment, vraiment laid comme nom. Tu cuisines, j'entends dire, Steph. Paraît, il paraît. On me dit ça, que tu cuisines et que t'es assez la maître des chefs. Tu t'appelles Steph. La master. On pourrait appeler master Steph. Donc, si t'aimes cuisiner, toi, à la maison aussi, et que t'es pas comme Steph. Steph, elle connaît ça. Elle a comme ça dans... C'est directement inné de savoir les proportions et les portions de choses à mettre. Par exemple, tu prends pas une cuillère, tu y vas à l'œil. Tu sais que c'est deux cuillères à soupe, c'est ça. Tu y vas pas avec une cuillère. Ça arrive souvent. Tu y vas à l'œil. Oui, ça arrive. Généralement. J'entends dire ça. Mais pour ceux qui veulent vraiment suivre une recette à la lettre et vraiment avoir le résultat escompté, il vous faut cette cuillère qui ressemble un petit peu à un outil qu'un enfant utiliserait dans un carré de sable. Donc, c'est les Levoons de chez Dream Farm avec un niveleur, si on veut, intégré. C'est une cuillère qui ressemble à une pelle de carré de sable. Et intégrer un peu où ça ressemble à une attache de couche. Okay? Le système de ressort de l'épingle, la couche. C'est comme un petit wiper. C'est comme un petit wiper. Un wiper, excuse-moi. Mais tu connais le principe des épingles, la couche qui se referment et s'ouvrent. Donc, c'est la même chose, mais avec une petite pelle. Donc, tu vas refermer l'épingle, la couche et ça va passer une petite pelle comme un wiper sur ta pelle. C'est comme plein d'analogies ensemble. Oui, mais c'est parce que ça a l'air vraiment broche à foin. Ça fait carré de sable. T'as l'impression de t'amuser en cuisinant. Oui, mais comment tu fais pour peser sans que ton contenant, il bouge? Il y a sûrement un poids d'un côté, j'imagine. Mais c'est n'importe quoi. Prends ta cuillère puis passe ton doigt. Ça fait exactement la même chose. Ouais, mais c'est mal propre, là, mettre ton doigt. Imagine le microbe. Non, tu penses que je pétris ma porte avec quoi? Ben c'est ça. Pauvre-toi, t'as juste à pas manger la recette que j'ai faite tantôt. C'est pas vrai, c'est une blague. Mm. Donc c'est les Levoons de Dream Farm. Ça vient en 8 couleurs pour la version de plastique. C'est du gros caca. Et c'est aussi disponible en version d'acier inoxydable, Steph. Chaque cuillerée. C'est même pas beau. Tu peux avoir cuillerée à table, cuillerée à soupe. Mais c'est laid. Et mesure en millimètres. Et ça se snap ensemble pour être mis dans un tiroir ou dans une armoire. Mais c'est laid. L'ensemble coûte 15$. Ça sert à rien. Information sur Dream Farm. C'est cher. Un autre de la rameau, tu passes ton doigt. Bon, tu next. Tu passes ton doigt. Oui, passe-toi le doigt. Quand tu te passes le doigt, tu vas bien aller. Ensuite, puis après, je vais pétrir la pâte, je vais te faire vraiment. C'est parfait, c'est super. On n'est pas menti, c'est supposé être le mardi des trucs sexuels. Mais il n'y avait rien de sexuel là-dedans. Quand tu veux savoir l'heure, Steph, est-ce que tu sors A, ta montre, B, ton iPhone que tu n'as pas, C, ton iPod Touch, D, ta tablette, E, toutes ces réponses. Il manque E, mon vieux cellulaire de caca. E, ton vieux cellulaire de caca, c'est plus caca Android. C'était quoi donc? C. T'as plus ça? Oui. iPod Touch. C'est iPod Touch. Ben en fait, oui, t'as sûrement raison, mais Colin, que t'es trop à la mode, t'es trop mouton avec tes produits Apple. Moi, je sais. À la place, tu devrais dire l'heure à tes amis avec un appareil, comme dans le bon vieux temps, qui disait l'heure avec le soleil. comment t'appelais ça? Ouais. Une horloge solaire. Exactement. Donc, c'est la Shepherd's Watch qui est une collection, en fait, c'est ça. Shepherd's Watch, c'est une collection de trucs portables avec un sundial, un truc à soleil. Donc, ils utilisent le soleil pour te dire l'heure. Il y en a qui peuvent te dire l'heure par rapport aux étoiles aussi. Ça, je connaissais pas ça. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com pour vous montrer un peu. Il y a des bagues, des colliers. Il y a un paquet d'affaires comme ça. Donc, à la place de sortir votre iPhone, vous sortez votre sundial. Est-ce que tu as trouvé, là? Non. Sundial? Non, j'ai pas trouvé. T'as-tu cherché, là? Français? Attends, y aller. Sundial! Attention, en français, c'est un cadran solaire. Ben, moi, c'est pas ça que j'ai dit, une horloge solaire. T'as dit horloge solaire, c'était pas. Je sais pas, cadran solaire. Le réveil matin solaire. C'est parce que je cherchais un mot plus fancy que ça, là, genre sextant ou. Ah, ouais, j'avoue. Non, c'est un cadran solaire. Ensuite, on va parler de chat un petit peu sur Internet. Parfait, parfait. C'est rare que tu tombes pas sur un gadget avec un chat. C'est clair. C'est bien, bien rare. Donc, c'est le Catio. Est-ce que tu vois le jeu de mots excellent entre Kili ou Cat et Patio comme un patio? Ouais, un peu trop facile. C'est le Catio. Donc, c'est une litière qui s'assoit à la place d'une unité d'air climatisé. C'est des gros cubes prismes, genre. Ouais. Donc, le Catio a des fentes qui permettent à l'air d'entrer, l'air frais d'entrer, et ça empêche... ça garde les mauvaises odeurs aussi à l'extérieur de la pièce dans laquelle tu as installé tout ça. Et c'est à l'épreuve de l'eau. C'est isolé. Ça peut soutenir jusqu'à 300 livres pour votre super fatty kitty. Mon Dieu! Désolé si vous avez un chat de 300 livres. C'est fermé à l'extérieur. Quand tu regardes de dehors, tu vas voir seulement une plaque avec les trucs en accordéon, un peu comme pour les airs climatisés. Et de l'intérieur, c'est un petit cube, un espace... qui a de faire comme une extension de votre pièce avec un petit tapis et tu t'installes ta litière là-dessus et ton chat s'en va faire ses besoins-là. C'est vraiment joli. Ben le joli non, là. Peut-être pratique. Pratique, ouais. Mais je sais pas combien de temps ça prend à conditionner ton chat à aller là. La mienne, ce serait probablement jamais. Elle ferait sûrement par terre avant d'y aller. Elle a un jouet, genre un petit jungle gym, là, un petit truc de tapis là, à grimper dedans, là, genre de meubles, puis elle est jamais allée. Ça fait probablement 6 mois que je l'ai jamais allée dessus. T'as essayé de la mettre dessus, ouais. Y montrer? Hein? Est-ce que t'as essayé de gratter comme si t'étais elle pour lui montrer à quoi ça sert? Ça, non, mais je l'ai vu qu'elle grattait un petit peu, donc je pense qu'elle sait que ça se gratte. Ben... L'idéal, c'est d'y montrer à quoi ça sert. Ouais. Ça, il a fallu faire ça. C'est ma belle-sœur qui a acheté une petite fontaine là, pour son chat. Il a fallu qu'elle se mette à quatre pattes et qu'elle fasse semblant de boire dedans pour que le chat comprenne que c'était ça. Et à partir de là, il est allé boire dedans. Son cute. Hein? Non, son petit innocent. Et cave, ouais, c'est ça. Les deux ensemble. L'un n'exclut pas l'autre, comme on dit. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'aimes les jeux vidéo rétro? Ben oui. Question à laquelle je connais déjà la réponse, mais quand même. Est-ce que t'aimerais jouer avec une expérience un petit peu plus réaliste? Dans quel sens? Dans le sens que quand tu branches ta console de jeu sur une télé récente, ta télé est trop belle. L'image est trop parfaite. OK. Comprends-tu? Genre, ouais. c'est pas... comment dire? Parce que, mettons, si tu vas télécharger des jeux vidéo de la Super Nintendo, de la Nintendo, et tu vas la jouer sur ta console virtuelle, ça va être trop beau. L'image est trop parfaite. Mm-hmm. Alors que si tu te branches sur une vieille TV, ben... C'est pas aussi clair que ça pourrait être. Fait que tu fais comme un entre-deux. Donc, il y a des câbles qui viennent de sortir. Okay? C'est des câbles de rétrovision. C'est HD Retrovision. Les câbles YPBPR. Et si vous allez sur assemblagerequis.com, vous allez voir l'avant-après. Donc, si vous êtes dans l'avant, il y avait beaucoup de floutage sur les coins. Les bas, c'était moins rondes un petit peu. C'est assez subtil. C'est assez subtil, mais une vidéo de comparaison en bas de l'article au complet. Je regarde la vidéo puis je te dirais que c'est très subtil. Ouais, peut-être la vidéo en HD directement sur YouTube serait plus clair que ça pour te le montrer, je suis pas sûr. Ah, peut-être. Mais c'est pour les jeux sur Super Nintendo et sur Sega Genesis, c'est fait pour un petit peu copier ce que la Wii U fait avec la console virtuelle, okay. Mais sans se rendre jusqu'à cette précision HD là, parce qu'évidemment mm-hmm. c'est fait sur une console HD, c'est pas pareil, mais quand même, ça essaie d'imiter un petit peu ça, un entre deux. Donc, c'est des câbles de remplacement qui, pour vos consoles pour créer une image plus claire. Selon HD Retrovision, l'image va être tellement améliorée. Ça fonctionne sur les télés HD et SD TV en variante mono et stéréo. Alors que le cas, ça c'est pour la Genesis, les câbles pour la Super Nintendo, ça va être seulement une seule variante, j'imagine stéréo. Et ça a fonctionné seulement avec la version originale du Super Nintendo, le modèle SNES 001. La compagnie travaille aussi très fort pour que les câbles fonctionnent via PAL et NTSC, donc les versions nord-américaines et les versions européennes des consoles. Encore une fois, les vidéos de comparaison sur assemblagerequis.com, on demande $35 américains sur Kickstarter pour avoir des câbles composantes YPBPR de HD Retrovision. Mm-hmm. Pour ceux qui ont la console d'origine, ça pourrait être un bon investissement. Ensuite, un stand pour portable. On continue dans le domaine des jeux vidéo, en fait, parce que les jeux d'arcade, c'est bien le fun. Les jeux rétro, c'est vraiment amusant. Le problème avec les arcades, c'est qu'ils sont difficiles à trouver de nos jours. Il faut se rendre dans des grandes villes. Je pense qu'il y en a à Shawinigan, comme on me disait, mais ça reste loin. Oui, quand t'as pas d'auto, c'est une bonne petite trotte. En ce moment, je survivrais clairement pas au froid qu'il y a là. Ce qu'il y avait d'amusant dans les arcades, c'était les gros joysticks et les gros boutons qui faisaient clic, clic, clic, clic, clic, clic. Ben oui. Les boutons vraiment parfaits. Game Thing, c'est un contrôleur USB découpé au laser. Rien de moins. Pour deux joueurs. et ça tient aussi ton laptop. Okay? Ah. Donc, ça transforme ton ordinateur portable en machine d'arcade pour jouer avec des émulateurs comme MAME, entre autres. On veut ramasser en fait 5 000 $ sur Kickstarter et un seul Game Thing va vous coûter 234 $. Donc, ce que c'est comme une genre de boîte dans laquelle on insère son laptop en diagonale, comme une fente faite juste pour ça. Et sur le dessus, il y a une tablette et deux groupes de boutons. Donc, tu as deux joysticks, un à gauche, un à droite, avec les 5 boutons d'action. T'as, j'imagine, les boutons Start, peu importe où insérer des pièces de monnaie, des trucs comme ça. Donc, deux personnes peuvent jouer côte à côte sur le même portable. C'est sûr, ça ne dit pas la grandeur du portable, mais ce que je vois là, c'est pas mal un MacBook, d'après moi, probablement maximum 13 pouces. Je sais pas, j'aurais préféré si on avait pu mettre, si ça avait été quelque chose qu'on avait pu, tu sais, juste une tablette sans la boîte. Mais peut-être que tu peux choisir selon la grandeur de ton portable. Peut-être, mais j'aimerais pouvoir juste le mettre sur n'importe quel portable. C'est sûr, c'est sûr. Et on reste dans le domaine encore des jeux vidéo et des arcades avec une tasse Highscore. En fait, les jeux d'arcade, comme on disait, c'est bien le fun avec des joysticks. On essaie d'imiter l'expérience avec une tasse Space Invaders avec une poignée qui est faite pour avoir l'air de joystick. Ah! Donc, tu as la tasse avec Space Invaders dessus, les petits éclairs qui s'en vont vers des méchants monstres et ton joystick sert de poignée. Par contre, c'est ironique, nous précise l'article, et c'est en effet vrai, c'est que la machine d'origine de Space Invaders n'avait pas de joystick, c'est des boutons gauche-droite. Ah oh ben là! Il y a même une photo de l'arcade de Space Invaders sur assemblagerequis.com. Donc, la tasse a une capacité de 16 onces. C'est fait de céramique. Ça mesure 4,5 pouces de haut, 6,0 pouces de largeur à la poignée. On peut pas la mettre au micro-ondes ni au lave-vaisselle. Et ça coûte 13 $ via Tingy. Mais dans le cas ça, tu peux pas mettre de café dedans parce que c'est trop chaud. Bon point. C'est un très bon point. Mais bon, j'imagine que c'est juste correct pour le café. Aucune s'il n'est pas trop chaud. En tout cas. Voilà pour cette première partie. On reviendra avec une deuxième de sexe, mais ça devrait pas tant. Mais avant ça, c'est le moment de prendre une légère pause pour se calmer les oreilles. On va l'entendre une pièce du côté anglophone. C'est une nouvelle entrée de la formation de Seasons. Si vous n'avez pas écouté C'est fou depuis les dernières semaines, vous avez manqué l'entrevue que Danny Janvier a fait. Ah non, je l'ai écouté puis c'était vraiment bon. C'était une bonne entrevue, une bonne performance musicale aussi que vous pouvez retrouver sur notre SoundCloud en passant par cfou.ca en cliquant sur les entrevues là, ça en haut. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On s'en va entendre leur pièce vedette en ce moment. C'est The Way It Goes tout de suite sur C'est fou. Dans vos oreilles. Feel The Seasons and the Way It Goes à Assemblage Requis. Au retour. Assemblage Requis est présenté par le... Qu'est-ce que je suis en train de faire? On est en train de s'en aller en pause, pas revenir de pause, man. Pour vrai, est-ce que tu savais qu'on s'en allait en pause? Je l'avais dit, hein? Gars. Hey! Pause! Yeah! Au retour, Marie-Laurence Audet s'en vient avec la loisir bien plus qu'un jeu et une deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. C'est vrai. C'est une pause très courte, il faut rester là. Diversité. 89. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. En ce mercredi matin, 19 novembre, elle est Stéphanie Paradis. Louis et Mathieu Plante. Oh oui, 8h07. Dans une vingtaine, ce sera Marie-Laurence Audet qui va être avec nous pour sa chronique sur les loisirs et le divertissement en général. Mais avant ça, nous, on était déjà en train de se divertir avant la pause et continuons avec un deuxième bloc. Voici Ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Il semblait aussi que c'était pas une Pop-Tart. Je regardais ça, je trouvais que ça avait l'air aluminium, puis une Pop-Tart, c'est pas une Pop-Tart, c'est un papier d'aluminium. Je me disais, c'est pas toi, pas toi, de manger une Pop-Tart. C'est vraiment pas toi. Ben, une fois par année, peut-être. Depuis que je suis mormone, j'ai des envies bizarres. Depuis que sa religion mormone a pris le dessus dans sa vie. Stéphanie, c'est... on vous expliquera ça une autre fois. C'est ça devrait répondre là, la chronique des gadgets inutiles. Et on commence avec, en fait, je te dirais que c'est pas mal mêlé le reste de la chronique. C'est même vraiment tout à fait pas dans l'ordre. Et c'est même pas nécessairement des affaires à acheter, c'est des affaires qui ont eu lieu, qui sont des gadgets ou des objets, mais on peut pas nécessairement les acheter tout le temps. Commençons avec cette... Agace. Ouais, c'est un peu agace. Mais de toute façon, quand est-ce que vous avez vraiment acheté quelque chose dans cette chronique-là? Quand est-ce ça? C'est une balançoire à 12 personnes. C'est le Woven Rocker. C'est un rocking room, donc une chambre à balancer, qu'on montre au Seattle Design Festival, avec donc des balançoires d'extérieur pour 12 personnes. Comme ça, on peut tous s'étirer et avoir probablement le mal des mouvements ou le mal de mer ensemble. Super, hein? Je trouve que ça a vraiment l'air le fun. Vraiment, ça a l'air d'un parc. C'est presque... Ben, y a des enfants et des adultes là-dedans. C'est très, très familial. Pas d'enfants, là. Come on, ouais. Sortez de là. Pas d'enfants. Et au bout de la rocking room, tu peux voir qu'il y a un petit genre de lit dans le même matériau, si on veut, que les balançoires. Donc, tu peux venir relaxer là sans avoir à basculer. Et encore une fois, le mal des mouvements, dans mon cas, serait probablement là. Donc, il faudrait que j'aille me reposer sur le lit. Les montres intelligentes, les montres pour s'entraîner, pour compter ses pas, les calories, le battement de cœur, etc. C'est super le fun, mais c'est pas aussi cool, peut-être pour certains ou peut-être certaines, que des boucles d'oreilles de fitness. Donc, pour compter toutes vos affaires, les petites Hero Smart fonctionnent sur iOS et Android. Il y a un moniteur du battement cardiaque, moniteur de calories, un truc pour tracer vos activités en temps réel. C'est léger, ça dérange pas votre apparence. En fait, même que ça peut l'améliorer, hein, parce que c'est un beau petit bijou Jewel Baby. Oui, c'est cute. C'est un bijou à la pierre précieuse, avec tout plein de côtés qui reflètent la lumière. donc, le Hero Smart est sur Kickstarter en ce moment. Il demande 125$ américains pour une version personnalisable. Alors, en fait, non, pour une paire ou encore une version personnalisable à faire à la main, à compléter à la main, qui, cet ensemble-là, coûte 150$. Il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com. Ça fait bien la fille sur la vidéo. Je sais pas si ça fait bien à tout le monde, des boucles d'oreilles comme ça. Mais alors, sûrement pas à toi. Non, merci, c'est sûr, mais ça fait un peu sérieux. Des boucles d'oreilles comme ça, non? Un peu madame, non? Ça dépend qui le porte. Si c'est une madame, ça fait madame. Parce que c'est clairement pas jeune, madame, la fille. Jeune. Ben non. Moi, c'est le genre de boucles d'oreilles que je trouve super cute. Cool. C'est le genre que j'aime. Good. Donc, 125 ou 150$ pour les Hero Smart. C'est E-A-R, O, Smart. Ensuite, c'est pour donner à votre écran de télévision un écran séparé. Tu sais, quand on écoute RDI, LCN ou peu importe, peut-être moins... facile, mais il y a des postes américains surtout qui vont diviser l'écran avec plein d'informations. Tu vas avoir les indices de bourse, tu vas avoir le ticker en bas avec les nouvelles qui sont plus importantes souvent que les nouvelles qui sont dites en ondes par l'animateur qui lui fait juste recevoir un nobody en entrevue pendant une heure. Mettons de l'Évêque, peut-être. On va dire un nom. Hein? mais bon, donc il rajoute de plus en plus d'informations à votre écran et ça devient gossant, mais il y en a qui aiment ça, tu sais. Donc c'est le Screens TV, qui est un appareil de divertissement, OK, qui sépare votre écran en plusieurs. Donc ça vous permet de partager un seul moniteur ou une télévision, que ce soit le moniteur d'ordinateur ou une télé, HDTV ou HD qui est compatible à HDMI, jusqu'à 5 sources HDMI plus un furteur web intégré. Donc à l'écran, tu vas pouvoir brancher tes 5 affaires. Comme, je sais pas, une console de jeux vidéo, tu peux brancher une PS3, une Wii U, une Roku, mettons, Chromecast, peu importe. Et chacun pardon, va s'afficher à l'écran, en écran divisé. Voilà. Avec le furteur web, ça en donne 6. Donc, on connecte ça comme on veut et ça fonctionne, c'est quand même tout petit, donc ça se met sur le meuble de télé facilement. C'est blanc, bombé un peu. On doit aussi connecter son réseau Wi-Fi pour utiliser le furteur web. Il y a une application mobile qui vient avec. L'application vous permet de redimensionner les fenêtres, sélectionner la source audio active. C'est une question que j'avais, ça. T'écoutes laquelle? T'écoutes pas les 6 en même temps? Ouais, ben non. T'sais? Donc, tu choisis celle que tu veux. Tu pourras avoir ta chaîne de nouvelles qui diffuse l'audio et tes jeux vidéo sur l'autre. Et en même temps, peut-être que tu pourrais, vu que tu peux redimensionner les écrans, je sais pas si t'es obligé d'avoir absolument les 6 affichés en même temps. Est-ce que tu peux en enlever une ou deux et peut-être montrer le film à une des personnes dans le couple et l'autre personne joue à des jeux vidéo sur le même moniteur, ça pourrait arriver, tu sais. Ça pourrait arriver. Ouais, ça te prend une méchante grosse TV pour que ce soit agréable. Ça, c'est vrai, par contre. C'est Screens TV, S-K-R-E-N. Combien ça coûte, ça? C'est une bonne question, ça. Combien ça coûte, ça? Attends, il y a tellement de photos sur l'article, tellement de photos. 399$ qu'on demande sur Indiegogo. Donc, ça veut pas dire que ça va sortir nécessairement, mais tu sais ce que c'est, Indiegogo. Tu mets de l'argent dedans et t'espères que ça marche. Mais honnêtement, à ce prix-là, mets une coupe de 100 de plus, achète-toi une TV puis tu vas avoir le son. Ouais. Peut-être deux écrans comme les moniteurs d'ordi, on met deux écrans à côté de l'autre, deux TV. Voilà. Très, très bonne idée. Voilà. Ensuite, de ça, on va y aller avec... est-ce que tu connais le jeu Cards Against Humanity? Oui. C'est un jeu où tu as différentes cartes noires et blanches et tu complètes des phrases qui deviennent de plus en plus vulgaires. Donc, c'est pas nécessairement vulgaire, mais c'est l'être. Sûr que ça vire tout à vulgaire. Ça vire assez vulgaire. C'est un peu un genre de Mad Libs, là, tu sais, quand on demandait, bon, donnez-moi un adjectif, donnez-moi un nom commun, donnez-moi un nom propre. Et après ça, tu les mettais dans une phrase, puis ça donnait une phrase avec des affaires que t'avais intégrées dedans, qu'on t'avait demandé avant. C'est un peu le même principe, c'est de remplir des trous. C'est un peu Match Game, Atome Crochu. Non. En fait, c'est parce que t'as des cartes, tu peux pas choisir toi-même ce que tu vas donner. Tu peux pas choisir toi-même, mais tu complètes des vides. C'est ça, fait que dans le fond, t'as une phrase qui dit. Peut-être la qu'est-ce qui serait le plus drôle dans telle situation. Puis ça te donne une situation. Et avec les cartes que tu as dans ton jeu, là, tu dois donner une carte qui va faire que le combo va être drôle. Et là, les gens votent pour le plus drôle et ça te donne un point. Donc, il faut que tu puisses jouer tes cartes de façon la plus intelligente possible. Mais c'est pas toi qui vas penser à un mot pour compléter. Tu as des cartes pour le faire. Exact. Mais c'est super le fun. C'est le jeu Cards Against Humanity. Et bien, la compagnie derrière ça, en fait, les gens derrière ça, je pense pas que ce soit une compagnie, une corporation, tout ça peut-être. Ils présentent holidaybullshit.com. OK? Ça s'appelle 10 Days or Whatever of Kwanzaa. OK? Ça essaie de mettre plusieurs fêtes religieuses ensemble. Vous leur donnez 15$. Et il vous envoie 10 cadeaux mystérieux pour les 10 ou peu importe le nombre jours de Kwanzaa. OK? Donc, vous donnez 15$ maintenant. Il prépare 10 cadeaux pour vous. Vous recevez les 10 cadeaux à différentes dates pendant le mois de décembre. Et l'autre étape à la fin, c'est en 2029, la civilisation humaine sera détruite par un astéroïde nommé Apophis. Mais ça, c'est une étape superflue. Et je crois. Ça t'envoie ça par courrier. Non? Par courrier. OK. Exactement. Donc, c'est un seul abonnement par maisonnée. Pas de remboursement, pas de plainte, s'il vous plaît, disent-ils. Mon Dieu. Ouais. Les cadeaux sont si poches que ça. On sait pas. C'est 10 jours ou peu importe ce que ça va être, par Cards Against Humanity. On sait que c'est des fuckers dans la tête. Mon Dieu, j'ai donc bien le goût. C'est malade. 80 560 cases de disponibles présentement. On peut acheter ça pour 15$ et à chaque fois que quelqu'un achète, ça descend d'un cran le compteur. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place sur holidaybullshit.com. Ben là. C'est malade. On l'essaye-tu? On peut, oui. 15$, ça me tente. Moi, ça me tente vraiment beaucoup. 10 jours ou peu importe de Kwanzaa. Ensuite, je sais, on m'a dit dans une précédente chronique, ça existe, que tu étais une chef émérite. Oui. Plus je vais en mettre à chaque fois de plus en plus. On m'a dit dans une précédente chronique que tu étais vraiment une chef émérite. Bon. Ouais, ouais, je vais te raconter de quoi qui s'est passé hier, c'est pas vrai. Est-ce que t'as gaffé? Je veux vraiment que tu m'en parles tantôt. Oh, oui, c'est okay. Sûr, je vais en parler. C'est sûr. C'est sûr. Est-ce que tu as des tartes, des fois, des tartes? Oui. Oui, bon. Ben oui. Est-ce que tu voudrais faire deux tartes en une? Ben oui. Ben oui. Dit-elle, la bouche pleine de peu importe. Ou peu importe de Kwanzaa. Donc, faire deux tartes en même temps, ça veut dire d'habitude pour toi, j'imagine, sortir deux racks à tarte, deux moules à tarte. Exactement. Ta tarte. C'est un peu plat, c'est un peu long, c'est deux fois plus de job. Non, mais c'est deux fois plus de tarte. Deux fois plus de tarte. Et voilà. Et ton appétit de mormone est sans limite. Ça dépend. Non. Non. Non. Donc, leur design innovateur de ce 2-in-1 pie pan pourrait t'aider, en fait. C'est un moule à tarte, mais divisé en deux avec un mur en milieu. Tout ce qui est plus simple. Et donc, tu peux faire tes deux tartes avec une demi-croûte et la demi-portion de garniture pour $19.95. Ah, c'est bien si, par exemple, tu reçois des gens à souper. Pis, tu sais que tu as des gens qui sont difficiles, ils n'aiment pas tel style de tarte. Mm-hmm. Là, tu n'as pas assez de farine pour faire deux abaisses de pâte à tarte. Ça peut être une bonne option. Mais moi, je le ferais, je ferais cette collection-là dans plein d'autres affaires. Une demi 2-in-1 poêle aussi. J'ai eu peur, je pensais que tu allais dire, je ferais ça, moi, des tartes là-dedans. Tu es folle. Mais avec une poêle, je pourrais faire différentes omelettes aussi. Tu sais, il devrait faire une gamme complète. Ben oui, ça. Ben oui. Ben oui, ben oui. Ben ouais. Ensuite, les gens en 2014-15 se sont rendus qu'ils veulent tout le temps nettoyer leur téléphone cellulaire, mais. Ils sont pognés avec un habit cravate parce qu'ils travaillent dans un poste haut placé, un cadre, quelque chose du genre. Comment peux-tu combiner les deux? Ben, Colin, tu peux maintenant avec cette cravate avec microfiber lining pour nettoyer vos téléphones et autres appareils mobiles. Dans le fond, ta cravate, si tu la revires de bord, son bout est fait en microfibre. OK, c'est cool. C'est vraiment bien. Donc, tu prends le dessus de ta cravate et tu frottes ton iPad ou peu importe. Mm-hmm. Et ça coûte seulement 25$ pour une belle cravate mauve avec des lignes en diagonale. C'est super à la mode. Mm-hmm. Bon, enfin, il y a plusieurs modèles, mais celui qu'on voit là est mauve. Ensuite, j'en saute si ça vous dérange pas trop. On va passer au suivant. Avec un projet de lampe, imprimé en 3D. Qui envoie des symboles, ben pas des symboles, des patterns, des formes, des lignes sur votre mur. Donc, c'est les artistes Lin Lin et Pierre-Yves Jacques, pas Pierre-Jean-Jacques, c'est son frère, Pierre-Yves Jacques. OK, ouais. OK. Donc, ils ont créé une collection de lampes qui intègrent des éléments imprimés en 3D pour rappeler un peu, tu sais, les centres de table. Oui, oui. Tu sais, que les grands-parents particulièrement avaient, c'était tout plein de formes florales. Comme au crochet, là. Au crochet, ouais, si on veut. Donc, c'est inspiré de ça. Lorsque les lumières sont allumées, ça va projeter cette toile-là de pattern, de dessin partout dans votre pièce. Tu le vois sur les photos sur assemblagerequis.com, ça englobe toute la pièce de ces patterns-là. Tu pourrais te tanner un peu, mais quand même. Ben non, je trouve ça vraiment beau, mais si t'es tanné, t'ouvres une autre lumière. Ben c'est ça. Ben c'est ça. Donc, on ne sait pas encore combien ça coûte ou même si ça va être à vendre, mais c'est sûr que ça va l'être éventuellement. Donc, il y a deux types. Il y a Sky et Land. Donc, un s'accroche au plafond et l'autre est sur une table, une lampe de table de chevet. Donc, allez voir les photos sur le site. Moi, je trouverais que, tu sais, mettons que, je sais pas, t'as un train proche de chez vous puis la lampe shake, ça va faire shaker toute la pièce, ça va être gossant. Il faut que t'aies une pièce où tu sais que les enfants shake pas. Je veux dire, même si c'est une autre lampe qui shake, la lumière shake pareil. C'est sûr, mais le pattern est dérangeant s'il shake. Non, tu... Ah, des problèmes. Hein. Ah, mais vraiment. Puis la lampe est super élégante. Je trouve ça c'est super vrai. Beau. T'as bien raison. Ensuite, la semaine passée, ou il y a deux semaines, ou peu importe, on s'en sac, mais on parlait d'un. Pour vrai. Mais on parlait d'un jeu d'échecs vertical. On pouvait jouer aux échecs sur le mur, tu te rappelles pas? Oui. Ça avait des aimants. Le gars était à côté sur le mur, jouait aux échecs. Bon. Avec l'attitude. Ah, vraiment, là. Mais là, on. Je sais pas si on le bat. Mais on scrabble. On scrabble. Ah, c'est, c'était raté. C'était pas mal raté. C'est un scrabble mural. Mural. Donc, c'est une planche massive faite de vrai bois avec des graphismes graphiques vintage inspirés de la version originale de 1949 de Scrabble. Donc, en plus de la planche, les tuiles sont aussi faites en bois avec des éléments intégrés, puissants pour les garder en place. Chaque joueur, jusqu'à 4 personnes, va avoir sa propre planche détachable avec du tableau à d'un côté. Donc, il peut être retourné pour mettre les tuiles sur le tableau. Dans le fond, c'est que tu peux écrire tes mots dessus. J'imagine que tu dois pouvoir te pratiquer tes mots avec le tableau. Ouais, c'est pas pour que les gens voient les lettres que t'as. Je comprends. OK. Et tu peux aussi garder ton score, ton pointage sur le côté tableau. qu'on me dit dans c'est vraiment cool. Mais tu peux faire tout ça. Il y a un sac de tissu pour garder les tuiles et tout ça à l'intérieur pour pas les perdre. Et évidemment, le tableau, pas besoin de le ranger, il reste sur le mur. Mais c'est le fun parce que ça, c'est un jeu quasiment que tu peux faire à long terme. Ben oui. Tu sais, t'arrives chez vous, chose a joué son tour. Tu sais, mettons que tu restes avec trois colocs. Mm-hmm. Ah, il a joué son tour, c'est à mon tour, tu fais ton mot. Là, tu t'en vas faire à souper ou tu t'en vas à l'école, tu reviens. Ah, c'est encore à toi de jouer. Ouais. Ça peut être vraiment le fun, ça. Ouais, tu peux avoir des symboles pour dire à qui c'est rendu le tour, mm-hmm. etc. Donc, t'as un grand tableau et des petits tableaux avec les plaquettes de lettres et t'écris ton nom à l'arrière. D'habitude, j'ai tendance à lire l'article et pas regarder la photo, donc c'est ce que j'ai fait. Allez voir. Pour plus d'informations sur assemblagerequis.com. Évidemment, le tableau est en anglais. Ouais. Mais bon, c'est Scrabble. C'est assez de base, là, ce qui est écrit sur le tableau. Là. Point double, point triple, etc. Moi, c'est ça. Ensuite, ça, je trouve ça bizarre un peu. C'est un véhicule qui vous permet de flotter un peu sur l'eau. Étrangement, vous allez comme voler au-dessus de l'eau sans pollution du tout. Donc, c'est un véhicule aquatique. Hein? C'est le Electric Quadrifoil Craft. Tu peux aller jusqu'à 21 nœuds. Ça, 21 nœuds, Steph, c'est 40 km/h ou 25 000 à l'heure. Oh, merci. Merci de l'avoir dit dans l'article, comme ça, on l'a pas cherché. Et ça peut se rendre sur 100 km de longueur, 62 000. C'est complètement électrique, donc relativement silencieux. Lorsque ça flotte par-dessus l'eau, il n'y a pas une seule goutte d'huile qui va jamais pénétrer l'environnement avec ce véhicule-là. Pardon. Ça me prend des fois, hein? C'est ça, relativement silencieux, pas d'huile du tout dans l'eau et c'est facile à diriger. C'est impossible à faire caler. Ben oui. Ouais. On peut se promener à deux personnes dedans. Il y a un système anti-collision, même si moi je trouve que ça a l'air le fun de jouer aux autotamponneuses avec ça. Genre. Donc, un système anti-collision qui va réduire les forces de l'impact si jamais vous foncez dans quelque chose. Le futur n'est pas peu cher. Hein? Avec l'édition limitée du QS2 qui va vous coûter environ 28 144 $ américains. Mais à ce prix-là, vous allez avoir certainement le véhicule le plus cool au monde parce que on dirait quasiment qu'il y a des jambes, tu sais, là, les amputés aux Paralympiques, les jambes comme faites en genre de signe supérieur à, là, genre le triangle, si on veut, tu sais, qui a comme une suspension dedans. Je sais pas si c'est dur à expliquer. Oui, je comprends. Mais les prothèses avec du choc, anti-choc dedans. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, mais c'est pas ça du tout. Mais ça ressemble visuellement à ça. Et le reste a l'air d'un bain fancy ou d'un pédalo fancy. Moi, je dirais, on dirait plus comme une araignée de l'an 3000. Ouais. Mais avec quatre pattes dans au lieu de huit. Dans le futur, pas trop lointain. Voilà. En 3000. En 3000, c'est bientôt ça. On a déjà le deuxième à la fête. Ouais. Si on compte le fait que c'était pas nous autres qui étaient là. Non, c'est ça. Faites votre lavage n'importe où maintenant avec le Panda Compact Washing Machine. C'est une machine à laver portative de 14 pouces de large et 19,3 pouces de haut qui peut laver 5,5 livres de lavage, de lessive. Vous la branchez, vous mettez vos vêtements, vous ajoutez de l'eau et du détergent et ça va faire tout le reste pour vous. C'est bon pour faire de petites brassées. Et ça peut faire des délicats, comme des sous-vêtements, des serviettes. C'est parfait pour utilisation dans un appartement, un dortoir, peut-être un appartement universitaire. C'est vrai. Un véhicule récréatif, un campeur. Évidemment... Peut-être dans un bureau où les gens se tâchent à tous les midis. Exactement. Il faut savoir par contre qu'avec comme avec les autres laveuses de cuisine qu'on appelle, c'est ce qu'on branche dans l'eau, il n'y a pas de spin cycle. Donc ça va seulement... ça va fonctionner pour ajouter les vêtements dans le cycle de lavage et le cycle de rinçage, mais il n'y aura pas de spin cycle en tant que tel. Il va falloir tordre les vêtements soi-même ou sinon ça... Je sais pas, mais trouver un tordeur, quelque chose. Bref. La Panda Compact Washing Machine coûte 90$ sur Amazon. On peut aussi acheter la sécheuse. C'est la Panda Compact Portable Washing Machine with Spin Dryer qui coûte 120$. C'est quand même pas si pire, là, on s'entend. Là. Ouais. C'est pas cher, ça peut être très, très dépendant justement dans des résidences et tout ça. Au lieu d'aller à la buanderie, d'après moi, c'est beaucoup plus rentable aussi d'avoir ça. Ouais. J'en avais une laveuse portable avant, ça m'a sauvé la vie bien des fois. Puis ça se revend très bien aussi quand vous déménagez ailleurs. Ah ben oui, c'est un bon investissement temporaire. Puis c'est cute. Oui. On s'entend vraiment cute. Ben, c'est ça, on n'a pas décrit de quoi elle avait l'air, mais c'est un petit genre de truc bleu transparent. Ça ressemble quasiment à un aquarium, un pichet d'eau, hein, je sais pas trop quoi, mais en plus gros. Ouais, on dirait un genre de gros Brita. C'est ça, vraiment. C'est quand même cute, c'est le panda. Ensuite de ça, c'est une lumière de sécurité qui s'appelle Kuna Home Security System. Donc, on essaie de prévenir les vols. parce qu'il va économiser de l'argent sur les assurances, bien sûr. Donc, Kuna prend la place d'une lumière à l'avant de votre maison, mais ça fait plus que ça avec une caméra HD intégrée, un microphone et un haut-parleur. Donc, aussitôt que quelqu'un arrive à la porte, Kuna va vous envoyer une notification par message texte, non par push. Encore mieux, par push notification, ce qui va vous donner donc accès direct pour voir et entendre la personne, ou sinon faire partir à distance une alarme à 100 décibels. Oh. C'est aussi gratuit à utiliser, donc il n'y a pas de prix par mois. C'est l'épreuve de l'eau. Ça, c'est bien, ça. Oui. C'est l'épreuve de l'eau. C'est manuellement configurable et la caméra peut être barrée pour accommoder différents angles. Et puis, ça va vous éviter des vols, c'est certain. 150$ sur Indiegogo. Fouette. 150$, je l'ai dit, 150$? Ouais. Je sais pas sûr de ce que je disais, je regardais qu'on m'appelait. Ouais. Ensuite, on retourne à la cuisine un peu. Okay, avec, cool. Ouais, ça va être cool pour toi, je pense. Si tu cherches tout le temps à aiguiser ton couteau, mm-hmm. Danny, Janvier, me disait récemment qu'il allait faire aiguiser ses couteaux. Ça a l'air cher, cette histoire-là. Moins cher qu'il y a les couteaux à la base, parce que ça vaut cher, des couteaux, des bons couteaux de cuisine. Mais faire aiguiser, ça coûte cher. Donc, peut-être que pour pallier ce problème, on pourrait acheter... C'est pallier, ce problème. Oui, bravo pour ta bonne utilisation. Yes. Tu as pallié... Je retiens les leçons qu'on me donne. Donc, c'est le Joseph Slice and Sharpen, qui est une planche à découper non glissante. OK, donc, bref, ça va vous empêcher de glisser sur le comptoir. Ben, j'espère. Avec un néglige couteau en céramique intégré dans la poignée. Ah! Donc, ça fait un exil votre couteau avant de trancher vos affaires. Pas besoin d'avoir une lame molle qui ne coupe pas. Et ça économise de l'espace parce que vous n'avez pas à avoir un gadget à part pour aiguiser. Et ça va même au lave-vaisselle. Une solution pratique, disponible en vert ou en noir et en deux grandeurs. Ben, c'est bien. Sauf que j'aime pas les planches à découper avec des trous dedans. Ah! Parce que je suis du genre à... Tu sais, si t'es comme pas du bon bord, ben tes oignons tombent dans le trou. Ouais. Moi, c'est... Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ça me gosse. Tu sais, c'est pas quelque chose de grave, mais si j'ai le choix, je préfère avoir une planche pas de trou. Ouais. Bon, moi, t'as deux grandeurs, donc tu peux prendre la plus grande de tout ça et te concentrer sur la portion où il n'y a pas la poignée, j'imagine. Oui. Mais j'avoue que, ouais, il pourrait la placer différemment, cette planche-là, pour pas qu'elle soit dans les jambes comme ça, tu sais. Enfin. Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup. La plupart des planches sont faites comme ça. Ouais, ben pour que tu puisses la transporter et la mettre dans le lave-vaisselle facilement par la poignée. Ben oui, c'est tellement dur à prendre dans la poignée. T'apprends par la poignée, fait que là, tous les résidus qu'il y avait sur ta planche tombent par terre. Ben oui, c'est pratique. Ben oui. Voilà, donc c'est tout pour ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, yeah. Ben. Oh, ça, on s'est créé des dépenses, là. Ça n'arrête pas, cette histoire-là. Ben, on va peut-être dépenser pour la première fois. Sur quelque ensemble, chose de cette chronique-là avec le holiday bullshit de Cards Against Humanity. Mm-hmm. On se fait une partie de Cards Against Humanity à un moment donné. Faut être sous pour jouer à ça. Ouais, ben, c'est vrai, ta religion mormone t'empêche. Eh, maudit que ça va pas bien, ça, c'est le mormonisme-là. Parce qu'on commence à prendre de la drogue. Non, ça, tu peux pas faire ça, non. Non, c'est ils sont donc bien restrictifs. Ah, c'est terrible. Ouais. Au retour de la pause, ce sera la chronique de Marie-Laurence Audet. C'est le loisir bien plus qu'un jeu. Dans quelques instants, au 89.1 FM. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, c'est toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Stéphanie Paradis, bon retour à toi. Mathieu Plante, merci d'avoir pesé sur le piton. Merci de mon me, micro. Ça me fait plaisir de faire tout ça pour toi tous les matins. Maintenant, une qu'on n'accueille pas tous les matins, même si on aimerait bien ça, on l'accueille seulement une fois par semaine, mais c'est on prend ce qu'on peut avoir avec elle. C'est déjà mieux qu'aux deux semaines, hein? Hein? Dans le temps, c'est deux semaines, c'est passé, hein? Hein? Hein? C'est Marie-Laurence Audet, hein? Avec le loisir bien plus qu'un jeu, hein? Flip, flip. C'est le loisir bien plus qu'un jeu. Marie-Laurence Audet, tu m'as dit ton thème tantôt, j'ai déjà oublié, mais je crois qu'il y avait les effets, Ça, c'est bon. Jusque-là, ça va? OK? Oui! Du loisir. Wouhou! Sur la réussite. Réussite scolaire. Oui! Ah, j'avais comme 4 mots. De sur 5. 12. Sur 12. C'est pas pire, là. Je. Le. Vas-y, continue. La. Le, je le la. Tu nous nais, tu nous. Me mamie, mamie. Me. Loisir. Baby Bobby. Ça, c'est facile, loisir. Ah, quand loisir. Tu dis loisir, ça passe. Ben t'as, pas choix de dire loisir, c'est l'alcoolique, le loisir bien plus qu'un jeu. Voilà. Donc, Marie-Laurence, les effets du loisir sur la réussite scolaire. Exactement. Ben je pense que quand on parle de réussite scolaire, de persévérance scolaire, ça reste quand même une problématique ou un sujet intemporel qui est quand même toujours d'actualité. Ouais. Parce qu'il va toujours avoir des jeunes à l'école, mais tu sais, quand on parle de la réforme, quand on parle du décrochage scolaire et autres, qui est une problématique que peu importe tu vis dans quelle région, c'est une réalité. Ouais. Donc, une des façons de contrer le décrochage, de le prévenir, c'est justement d'investir dans les activités parascolaires d'une école, par exemple une école secondaire. Puis, tant qu'à en parler, parce que c'est pas la première fois qu'on en jase, je parle pas juste d'ici, là, mais dans l'actualité, aussi bien en témoigner auprès des acteurs qui sont importants et qui peuvent faire une différence dans le système de l'éducation québécoise. Puis c'est pour cette raison-là que, dans le fond, le Conseil québécois du loisir a donné ce mandat-là à l'Observatoire québécois du loisir avec le laboratoire et tout, de faire une étude à cet effet-là pour savoir c'est quoi les effets, c'est quoi les bienfaits du loisir pour la persévérance et la réussite scolaire, c'est quoi les éléments contraignants, donc comment on peut permettre un meilleur encadrement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela ait des effets positifs. Donc, à ce moment-là, la recherche a ressorti des facteurs, pas sans le loisir, là, juste des facteurs de réussite scolaire, OK, à la base. On parle, il y en a 8. On parle premièrement d'identité quand on parle du développement puis de la connaissance de soi. On parle de l'identité comme une connaissance de ses intérêts, de où est-ce qu'on s'en va dans la vie. 3, c'est la motivation. 4, c'est l'engagement, l'implication, le sentiment d'appartenance. 5, c'est les facteurs externes, donc tout le milieu de l'école. 6, c'est l'implication et le soutien des parents. 7, c'est les facteurs socio-économiques de la famille. Et 8, la socialisation. Donc, l'étude a ressorti ces 8 éléments-là comme des facteurs de réussite scolaire. Puis après, on a essayé de faire le lien puis de transposer l'espèce de cause à effet de si on met en place des activités parascolaires, à quel point ça répond à ces facteurs-là pour aider les jeunes dans leur réussite. Donc, on disait que le succès scolaire était, entre autres, influencé par la participation à des activités parascolaires, puis à des activités culturelles, des interactions sociales. Donc, c'était un bon élément. Puis là, il y a plusieurs grandes catégories que je vais vous développer par rapport le lien entre le loisir et la réussite scolaire, parce qu'il y a eu des preuves suite à l'étude. Donc, je vais vous parler de l'identité, des saines habitudes de vie, de la motivation, des effets sur la poursuite des études, puis des éléments un peu contraignants, les éléments qui sont difficiles à vivre en ce moment par rapport à cette réalité-là. Mmh. Donc, tout d'abord, concernant l'identité, on ne se cachera pas que l'adolescence, si on parle des écoles secondaires, l'adolescence reste une période très significative dans le développement de l'identité d'un individu, puis entre autres par rapport à sa poursuite des études scolaires. Si la personne rendue au secondaire le vit difficilement, que ce soit social, académique ou autre, puis qu'elle décroche, il y a peu de chances qu'elle raccroche. Contrairement à quand une personne lâche le cégep, va travailler, revient faire un tour aux études. Donc, la partie secondaire de l'académique est vraiment, vraiment influencée pour la poursuite des études. Mais c'est à ce moment-là que la personne se développe aussi le plus dans son identité, dans son affirmation. C'est qu'ils se font faire des fausses cartes d'identité aussi. Exactement. Puis, les activités de loisirs permettent aux participants plusieurs éléments, entre autres d'en apprendre davantage sur eux-mêmes, sur leurs limites, sur leurs compétences. Des fois, de découvrir qu'ils ont des talents qui ne sont pas développés dans des cours ou dans leur milieu familial ou social, mais des fois, de mettre en place de nouveaux talents parce qu'ils essayent plein d'affaires. Hein. C'est une période pareille d'initiation, le secondaire. Puis, fait que les jeunes développent des compétences. Développent aussi, quand tu es impliqué dans plein d'activités parascolaires, tu n'as pas le choix de mieux gérer ton temps. Donc, il y a une espèce de développement de ton auto-efficacité dans tes différentes tâches à réaliser dans ton horaire pour pouvoir y arriver. Tu dois gérer l'école, tu dois gérer les amis, tu dois gérer tes activités, tes cours ou autre. Ou tu dois échouer à essayer de faire ça. Oui, au moins t'essayes. C'est ça. Voilà. C'est ça, ta gestion du temps, ta gestion du stress aussi. Donc, quand tu arrives à gérer ton stress dans le cadre d'activités parascolaires, parce que pour X raisons dans la vie, tu vas avoir des périodes de stress, ça permet aussi, quand arrivent tes examens, tu as appris à gérer ça. C'est pas la première fois que tu as un élément à réaliser, une tâche à livrer. Donc, tu as appris à gérer ton stress. Puis, on s'entend aussi que l'identité passe par le sentiment d'appartenance que tu vas développer envers l'école. Le sentiment d'appartenance que tu as avec tes amis, avec tes professeurs, avec l'école, va te motiver le matin à te lever, puis va aussi te motiver à réussir, parce que l'école devient plus que des bureaux puis des chaises, ça devient un milieu de vie. Donc ça, c'est concernant l'identité. Maintenant, concernant les saines habitudes de vie, on a vu que la pratique de loisirs avait des effets positifs pour les saines habitudes de vie des adolescents dans le milieu scolaire, qui ensuite avaient des effets sur la réussite scolaire. Donc, tout d'abord, quand tu pratiques des activités, tu as quand même une hygiène globale, tu es plus actif, tu es plus... c'est ça, tu bouges plus, tu n'es pas juste chez vous devant ta TV, donc tu fais de quoi de tes journées, fait que physiquement, tu es plus actif. T'as aussi un développement de ton estime de soi par tes réussites, puis par le fait même de ta confiance en toi, tu t'affirmes mieux, puis tu bouges, tu t'organises mieux. Donc, il y a vraiment des effets sur les saines habitudes de vie en général. Ensuite, concernant ta motivation, il y a différents éléments. Mais premièrement, la motivation est une des plaques tournantes pour la réussite scolaire, pour la persévérance scolaire. Puis une grosse partie qui est intrinsèque, qui vient de la personne, que même si on met tous les éléments en place dans l'école pour que l'élève réussisse, s'il veut pas, il y a une limite à ce qu'on peut faire aussi pour lui. Tandis qu'un enfant qui a plus de difficultés, mais qui veut, il y a un potentiel à développer par différents éléments qu'on peut mettre en place, dont les activités de loisirs. Donc, on se rappelle que c'est une plaque tournante, mais que la motivation des gens est quand même basée sur leurs valeurs, qui, eux, sont développées lors de l'identité, du développement de l'identité de la personne. Puis encore là, comme on a dit tantôt, bien, ces valeurs-là de l'identité sont développées par les essais, les compétences développées dans les activités de loisirs. Quand je parlais tantôt aussi d'effets sur la poursuite des études, c'est parce que quand on pratique des activités de loisirs, on développe des compétences comme, par exemple, ton jugement critique, résoudre des problèmes, mettre en place des méthodes de travail, mieux communiquer, apprendre à collaborer en équipe. C'est plein d'éléments que tu te rends pas compte parce que c'est des activités parascolaires, puis tu vois juste au bout de ça, « Ah, je fais partie d'un comité. Ah, je prépare le bal des finissants. Ah! » Mais au final, toutes les tâches et les compétences vont ressembler au marché du travail, vont ressembler à différents autres éléments de ta vie. Donc, c'est des effets positifs. On a vu aussi, dans le cadre de l'étude, l'aspect socio-économique qui avait un impact sur la réussite scolaire des jeunes. Donc, on a dit que le fait de pratiquer des activités parascolaires, il y en a dans toutes les écoles. C'est pas parce que tu es dans un milieu plus défavorisé que tu n'as pas d'activité. Des fois, il y en a moins. Des fois, ils sont différents parce que le budget de l'école est différent. Il ne peut pas te permettre d'aller faire un saut en parachute, contrairement à une école privée. Mais il va toujours y avoir une offre de loisirs puis une offre de comité étudiant. Donc, cet élément-là reste accessible, peu importe la clientèle. Puis c'est aussi un lieu où est-ce qu'on a dit que les jeunes développaient leur identité, leur affirmation de soi. Ils vont côtoyer des gens de plusieurs classes sociales. Mais dans le cadre des activités parascolaires, la centralisation n'est pas sur ça. Fait que les gens disent pas « t'es mon ami parce que t'es riche, t'es mon ami parce que t'es pauvre ». Si on travaille ensemble sur la même tâche, on a du plaisir, on s'entend bien. Oui. Puis c'est pas ton milieu socio-économique qui va avoir un impact sur ton réseau social là-dedans. Donc, voilà. Puis, par rapport à la socialisation, on s'entend aussi que quand tu fais des activités de loisirs, tu peux soit y aller avec tes amis, passer du temps avec eux, puis c'est une bonne occasion. Mais tu peux aussi découvrir des nouvelles personnes que tu n'aurais pas côtoyées dans le cadre de l'école, qui ont des intérêts communs semblables à toi. Donc, des intérêts communs semblables à toi. C'était redondant, répétitif et toujours la même affaire, mais oui. Voilà. Ils ont des intérêts semblables à toi que tu n'aurais peut-être pas côtoyé parce qu'ils ne sont pas dans ta classe, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes groupes d'amis. Mais à ce moment-là, tu découvres des gens, tu te fais un nouveau réseau. Je pense que j'ai sauté cette étape-là à l'école. Je pense que j'ai sauté l'étape de la y aller tout seul puis de socialiser. Bon, on se connaissait toutes, nous autres, déjà. Fait que... ouais. Comment ça? Ben, on était 100 dans l'école secondaire. Ah, ben fait oui. Que ça te dit-tu à quel point qu'on se connaissait tous? On se vient d'où? En Gaspésie. Hein? Gaspésie! Ah. L'école mormone, je pense. Non, j'étais pas mormone à cette époque-là. C'est pas fait, c'est nouveau. Non. C'est nouveau. Puis, la grosse difficulté qui est ressortie de l'étude présentement, c'est que les intervenants en loisirs disent qu'il y a une nouvelle réalité. Ils ont de la difficulté à avoir les jeunes pour les activités parascolaires parce que le jeune de 2014 là, a... Hashtag le jeune de 2014 a tellement d'engagement autre que l'école. Il doit tellement séparer son temps. Je vais vous sortir des chiffres qui étaient intéressants. Il disait qu'en moyenne par semaine, l'élève au secondaire a 22,5 heures de cours, 12 heures d'études et de devoirs, 12 heures de travail rémunéré. Donc, il lui resterait 1,5 heures pour ses activités de loisirs et de parascolaires. Wow. Mais tu sais, 1,5 heures, oui, il y a de quoi faire avec ça. Mais quand tu veux mettre en place des gros projets, tu te ramasses quand même limité. Puis ce 1,5 heures-là, peut-être qu'ils veulent investir dans des loisirs autres c'est que ceux de l'école. T'as trois épisodes de Subito Texto ou bien aller faire quelque chose? Voyons donc, j'ai jamais étudié 12 heures. Il fait des devoirs 12 heures par semaine. C'est les chiffres. Moi non plus. Je travaillais juste l'été aussi, fait que... Les jeunes travaillent de plus en plus tôt parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'il faut qu'ils payent leur cellulaire quand ils sont au secondaire 2. Oui, exactement. On va se le dire que nous, il n'y avait pas cette réalité-là. Non. Bon, Internet avec un fil aussi. Il n'y avait pas vraiment. Oui, tu pouvais pas appeler en même temps. Oui. Notre souris avait un fil, notre clavier avait un fil. Tout avait des fils. C'est vrai. Pas d'allure. Comme les enfants à la garderie se font tirer par ma manette de TV avait un fil. Cool. À ton époque. Non, soit... OK. T'es donc bien plus vieille que je t'en ai l'air. Mormone. Ouais, mormone, c'est ça. Ah ouais, je suis pas amie, je suis mormone. Mais pour revenir au sujet. Ben oui. Hein. Il disait que c'était une grosse difficulté pour les intervenants en loisirs, mais de pas cesser l'offre. Parce que peut-être qu'il y a une diminution présentement du temps que le jeune consacre. Mais ça, c'est toujours par vague. Donc, ça va revenir... Dans quelques années, ils vont en avoir un peu plus qu'ils vont investir de leur temps. Mmh. C'est pas en pente descendante. Puis pour, même si c'est moins de jeunes, pour ceux qui sont là, ça fait une différence. Puis ça, les preuves sont là dans les études. Ils sortent que la pratique d'activités de loisirs, parascolaires entre autres, a un effet sur la persévérance et la réussite scolaire par les différents aspects que je vous ai mentionnés, c'est une habitude de vie, motivation et autres. Puis un autre élément qui était intéressant aussi, qu'ils mentionnaient dans la conclusion, c'est de parler du périscolaire. Est-ce que vous savez c'est quoi? Non, ben là, si je me fie à... Tu connais les péripatéticiens? Oui, il y a de la périnatalité. Hein, l'émission qu'on a ensemble, c'est de la périnatalité. La périphérie. Je sais ce que ça veut dire avant, péri, ou autour de... Pendant. Pendant. Je sais pas la différence entre parents et parents. Non, c'est ça, c'est autour, parce que périmètre, c'est le taux. C'est autour de. Parce que para, comme dans parasol... C'est à côté. Non, c'est au-dessus, c'est comme ailleurs. Ouais. OK. Explique-nous. En dehors de. On est tout mêlé. Si je reviens, c'est quoi parascolaire? On est habitué de l'entendre. Ça, c'est les activités en dehors des cours. C'est donc ça. Et tout. Péri, c'est l'intégration au cours. Dans le fond, c'est le lien. Parce que dans le fond, c'est qu'ils disent les jeunes ont moins de temps à investir dans leurs activités. Une des solutions que les intervenants loisirs pourraient proposer, c'est des espèces de liens avec les cours. Donc, de parler aux professeurs, de voir des activités extrascolaires qu'on peut faire, mais dans un cadre académique. Fait que le jeune aurait, mettons, du temps un peu de libérer de son cours pour réaliser certaines tâches, mais qui serait du développement extra-académique. Ça fait un peu penser peut-être, je pense que c'était en géographie au secondaire, on avait fait les plans d'une mine de sel et tout ça, et on restait sous l'heure du midi pour compléter la mine, mais qui s'était évalué pour le cours, donc ça serait un peu ça, une activité un peu ça, exactement. D'un cours, mais fait en dehors. Il pourrait avoir une note au bout de ça, il pourrait être en lien avec le chapitre présentement étudié dans le cadre d'un cours, mais ça resterait des compétences qu'habituellement tu ne développes pas dans le cadre d'un cours. Parce qu'on s'entend qu'il y a quand même un cadre à respecter selon le ministère de l'Éducation, puis il y a des compétences qui sont au bulletin. Mais la compétence de socialiser, il n'y a jamais eu une note pour ça. La compétence, là, juste l'aspect manuel, tu sais, taper avec un marteau sur un clou, là, on s'entend-tu que c'est le genre d'élément que tu as besoin quand même dans la vie, parce que tu es mal pris chez vous, quelque chose vient de briser, tu as quelque chose à accrocher. Mais il n'y a jamais personne à l'école qui t'a montré ça dans le cadre d'un cours, tu n'as jamais eu une note pour ça. C'est ta famille, c'est autre personne. Mais c'est un peu le même principe. C'est d'aller chercher des compétences que tu peux développer dans la pratique de loisirs, de l'intégrer au cours, vu qu'ils ont moins de temps à donner en dehors de leur cours. Donc ça, c'était une des suggestions qu'ils proposaient pour les intervenants loisirs. Mais vraiment, vraiment important de ne pas cesser l'offre de loisirs. Peut-être plus de l'adapter à leur réalité. Voilà. Wow. C'est bien dit tout ça. Toujours, mais c'est Marie-Laurence Audet. À quoi s'attendre autre que quelque chose de bon comme ça, hein? Mais c'est pas de la pression. Hein? Ouais, mais en même temps, elle sait qu'on dit ça à chaque semaine. J'angoisse. Ben oui, bon. C'est Marie-Laurence Audet. On la retrouve à chaque semaine, ici même à Assemblage Rocky, les mercredis à 8h30 pour le loisir bien plus qu'un jeu. Oui. On te remercie. Merci à vous. Là, c'est-tu sa vraie heure, là? Oui. Comment? Sa vraie heure, oui. Sa vraie heure dans le vrai jour. Dans le vrai monde. Dans le vrai monde, en 3D. Une fois par année, je fais la vraie heure. Ça va bien, on va continuer comme ça, peut-être. On va voir, on sait jamais. Des fois, tu sais, para, péri et autres trucs qui se passent. Elle est bien occupée. Elle est bien occupée. C'est Marie-Laurence, c'est tout à partout. Tu l'as pas vu, elle est partout. C'est comme un Oui Charlie, mais elle a un chandail aligné noir et blanc. Fait que si vous voulez la trouver aujourd'hui, sachez-le. C'est comme un Oui Charlie, mais pas difficile à trouver. Pas difficile. Donc, on reste à Assemblage Rocky pour encore, je dirais, une 45e de minutes. Tout à l'heure, ça va être la chronique Master Steph. Ça en vient. Mais pour l'instant, je vais vous faire entendre une pièce du palmarès francophone. On l'a pas joué énormément. C'est sa deuxième participation à l'émission. Sa deuxième participation. Ouais, en featuring de notre émission, c'est Noem. Voici À courir dehors, probablement, sûrement. Mais courez pas trop dehors. Mais faut pas courir en... pas autour de la piscine. Non. Faut pas courir autour de la piscine. Ni autour du campus, parce que c'est bien, bien glissant. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Ils ont mis de la petite terre, là, aujourd'hui. Parce qu'hier, c'était le premier jour, il fallait laisser le temps. T'sais. Tu peux voir de la terre dès le premier jour. Pourtant, j'ai vu une charrue gratter l'asphalte. Ouais. Mettez pas les efforts à la bonne place, on dirait. Plus clair, il faudrait voir plus noir. Il faudrait voir la terre, il faudrait voir la mer. L'autre bout du monde ne se trouve pas à l'autre bout. L'autre bout du monde ne se trouve pas à l'autre bout du monde. Yes. C'était Noël, une pièce qui commence et se termine de façon interminable, mais qui dans le milieu est pas mal bonne. C'est À courir sur le Bonheur francophone. C'est en position numéro 17 en ce moment. C'est sur l'album Le Grand Mensonge. Vous êtes à Assemblage Requis. On est à quelques instants de la chronique de Stéphanie Paradis, Master Steph. Uh-huh. Mais avant ça, voici son foutu palmarès. C'est son foutu palmarès, la chronique dans laquelle l'intro est plus longue que le contenu. Aujourd'hui, on fait une petite liste de choses à savoir pour installer votre cinéma maison. Je sais pas. OK. Ça a l'air utile un peu trop pour cette chronique-là. D'habitude, c'est surtout de l'inutile, mais bon. Donc, un cinéma maison, ça prend pas tellement d'efforts pour changer une pièce, un salon en cinéma maison. Il faut ajouter, évidemment, une télévision. Hein? Je pense que ça a du sens. Ça, c'est le minimum. C'est assez minimum. C'est tout pour la chronique d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Je fais une télévision de bonne grandeur. Assoyez-vous dans votre divan. C'est pas vrai du tout. Donc, tant qu'à se créer un cinéma maison, aussi bien y aller comme vraiment comme il faut. Ajouter tout ce qu'il faut pour avoir l'expérience la plus cinéma possible. Mais oui. Sans les pieds qui collent à terre du et les gens popcorn. Qui parlent. C'est ça, du popcorn. Des petits jujubes. Des chocolats en boule, tu sais, qui sont croquantes, des clouds, quelque chose. C'est les bon, Maltesers? Maltesers. C'est bon, ça. 7 piastres le paquet. C'est dégueulasse. Donc, on va y aller avec une petite liste de choses à vérifier dans votre salon ou autre pièce de cinéma maison. Ça te tend dessus? On y va. Premièrement, trouvez votre sweet spot visuel, votre endroit parfait pour regarder un film. Les ingénieurs... Le salon? L'endroit devant la télé. Est-ce qu'il faut être devant? Le divan? Le divan, est-ce qu'il faut être devant? Est-ce qu'il faut être à un angle? Est-ce qu'il faut être à une bonne distance? Il y a plein de facteurs comme ça à savoir. Donc, pour commencer, les ingénieurs et les scientifiques ont travaillé vraiment fort pour trouver l'angle parfait pour regarder une télévision à haute définition. Il y a une formule mathématique, Steph. Oh non! Ouais, je sais. Il faut prendre la diagonale de l'écran et multiplier ça par... 1,5 à 2,5. La diagonale de l'écran, c'est facile, c'est sa grandeur. Là. La diagonale de l'écran, c'est sa grandeur, en effet, tu suis jusque-là. Donc, en effet, si ta télé est une 32 pouces, c'est 32. Mais t'as pas besoin de la mesurer, tu le sais. C'est vrai, mais il faut multiplier par 1,5 à 2,5, d'accord? Ben là, par 2, finalement? Ben, si tu veux, si tu veux. Mais c'est la distance qui est déterminée, c'est entre 1,5 et 2,5 fois la diagonale. Donc, c'est la distance de votre divan, votre chaise ou autre siège. Moi, ça me donne 84. Mettons que je fais fois 2. Donc, tu devrais être à 84 de pouces de distance de ta télévision. 84 pouces. 84 pouces. Faudrait que je le 12 mesure. Fois, ça fait, parce qu'il y a 12 pouces par pied, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait proche de 5 pieds, plus ça. 48 plus 12, ça fait 50. Mais oui, mais on s'entend-tu, là? Je vais pas avancer mon divan puis laisser un pied en arrière entre le mur et le divan. Là. Non, je comprends, là, mais la formule mathématique pour regarder la télé serait ça, de toute façon. C'est pour ça qu'on a entre 1,5 et 2,5. C'est sûr que, tu sais, ça dépend des salons. Il y en a qui ont des salons qui sont faits à l'horizontale, qui sont plus longs que larges. Il y a plein de... Fait que là, il faudrait que tu changes ta TV de place. C'est compliqué, mais là, on parle de si tu veux faire ça, tu peux faire. Ben, admettons que tu veux te faire construire une pièce sur mesure, ben oui. Une rallonge à ta maison. C'est sûr. Parce qu'il y a d'autres facteurs aussi. Évidemment, les rideaux, il y a un paquet d'affaires, la fenêtre qui peut illuminer ta télé. Donc, tu choisis de mettre ta télé à un endroit. Mais là, t'achètes des bons rideaux. T'achètes des bons rideaux. Donc, pour les petites pièces, essayez une barre de son. C'est le prochain conseil. Donc, la plupart des télés haute définition modernes peuvent envoyer quand même du son qui a de l'allure, mais rien ne peut livrer une expérience cinématographique comme un haut-parleur dédié. Pour les petites pièces, vous pouvez considérer une barre de son, une soundbar, qui met plusieurs haut-parleurs en une seule barre horizontale qu'on place près de la télé, souvent en dessous. Certains des modèles les plus jolis peuvent s'intégrer au look de votre télé et ça peut juste avoir l'air d'une base renforcée un petit peu plus large. Ça fait comme si ça fitait avec votre télé. Donc, tout ça est exactement pour vous. Magasinez vos soundbars en regardant les critiques sur Internet, ça c'est sûr. Une soundbar, c'est pas comme une Wonderbar, ça? C'est comme ça, mais moins délicieux et moins chocolaté. Ah, OK. Pour ajouter un petit peu de bass, il faut faire de la place. Donc, une autre mise à jour, une mise à niveau de votre audio vient du subwoofer. Donc, c'est un haut-parleur qui n'envoie que de la bass et c'est fait pour faire vibrer la pièce. Surtout pour les maisons, là, je dirais qu'en appartement, c'est un peu moins approprié, mais quand même. Sauf si t'es au rez-de-chaussée. Sauf si t'es au rez-de-chaussée. Ne mettez pas vos subwoofers dans une unité, dans un... comment dire, dans un meuble, parce que la vibration va être un petit peu plus dérangeante que satisfaisante. Il faut mettre ça directement sur le plancher. Ben oui. La clé est de s'assurer d'avoir assez d'espace autour. Donc, de mettre, on pourrait mettre de préférence le subwoofer dans un coin. C'est ça, il faut pas que ce soit contre le mur, mais dans un coin. Cool. Ensuite, de mettre les haut-parleurs dans les bibliothèques. Donc, une des façons les plus faciles de séparer l'audio pour faire un cinéma maison, pour avoir du Dolby Surround Sound, c'est de mettre des haut-parleurs pour les effets sonores, le dialogue et d'autres audios qui viennent de directions différentes, par exemple à la gauche, à la droite et au centre. Vous pouvez réussir ça en mettant des haut-parleurs de façon plus subtile dans les bibliothèques, donc positionnés à la gauche et à la droite de la télé. Ça va être un dessin un petit peu plus furtif et ça va aider à cacher les câbles, entre autres. Donc, c'est ça, pour les haut-parleurs dans les bibliothèques. J'ai mon beau-frère qui a construit sa maison et il a, étant donné qu'il savait qu'il voulait mettre un cinéma maison, il a déjà fait passer le câblage dans le mur. Ouais. Donc, il va avoir son haut-parleur, puis les fils vont sortir directement du mur, donc ça va être beau, là. Il n'y aura pas de fil nulle part. Ça, c'est vraiment cool. C'est du génie, ça c'est parfait pour l'instant, pour en ce moment, parce que bien sûr, les cinémas maison sont de plus en plus sans fil. Donc, pour l'instant, les fils dans les murs, c'est la meilleure solution de cacher les fils. Ensuite, pour le son surround, pour avoir un son surround complet, souvent, on va avoir besoin de 6 chaînes ou canaux audio différents ou des haut-parleurs, un pour le centre, la gauche, la droite, 2 à l'arrière et 1 pour le subwoofer. Le plus grand défi, par contre, c'est généralement ceux qui sont placés à l'arrière. Donc, on peut trouver des tablettes ou d'autres meubles pour mettre les haut-parleurs derrière. C'est ça. Donc, ce serait mieux de monter ça dans le mur. Un peu comme tu viens de le dire, les fils dans le mur, c'est la meilleure chose à faire. Et puis, c'est ça. On demande de mettre... C'est plus pratique de le faire pendant que tu construis la maison. Ouais, c'est ça. Dans un appartement, c'est pas évident. Exact. Ensuite, pour les télés 3D, on nous demande de s'asseoir très, très droit. Donc, si vous voulez regarder beaucoup de contenu 3D, il faut s'acheter un siège avec un dos bien droit parce que tilter votre tête de gauche à droite peut défaire l'effet 3D. Ah, oh ben là, c'est bien trop compliqué. C'est un petit peu trop compliqué. Donc, assurez-vous aussi que votre chaise ou votre divan fasse directement vers la télé pour décourager le penchage de tous les bords si vous vous asseyez dans les coins, des trucs comme ça. J'imagine que la 3D ne marchera pas du tout. Ensuite, il y en a plusieurs autres. Là. Je pense qu'on va y aller rapidement, mais de vérifier ses angles. Donc, certaines télé haute définition peuvent être vues à des angles assez extrêmes, donc gauche-droite ou même d'en haut ou d'en bas, alors que d'autres demandent d'être absolument au centre. Avant de faire des trous dans le mur, mettez votre télé environ où elle va être, allumez-la et essayez-la. Avec plusieurs personnes, bien sûr. Évidemment, laissez faire la lumière. On parlait de rideaux tantôt, mais en vérifiant les angles, vérifiez aussi à plusieurs moments de la journée où va frapper la lumière. Oui. Même chose pour les lumières qui ne sont pas naturelles, comme les lampes, les lumières sur rail. Des trucs comme ça, donc les aligner vers le bon endroit. Essayez de positionner la télé pour avoir le moins d'ombre possible au moment où vous allez regarder la télé. Ensuite, on peut opter pour une télé courbée pour essayer d'éliminer ces deux derniers problèmes-là, des mauvais angles et des reflets dans l'écran. La courbe subtile de ces télés-là va augmenter l'angle de vision possible, de visionnement possible, tout en limitant aussi les reflets de lumière. Donc on pourrait prioriser une télé courbée, évidemment pour ceux qui ont l'argent, hein? Et finalement, de mettre des écouteurs et de s'asseoir où on veut. Hein? Défaire toute la liste qu'on vient de dire là. Donc, c'est des nouveaux produits où on peut brancher des écouteurs directement dans la télécommande, vous donnant accès à un son parfaitement synchronisé, essentiellement de n'importe quel endroit dans la pièce. Il y a seulement certains produits qui offrent présentement cette caractéristique-là. La plus récente, c'est la PlayStation 4 qui a une prise audio directement dans la télécommande, dans la commande de jeu de la PlayStation 4. Voilà, c'était une petite liste bien simple, tout ça sur assemblagerequis.com, de façon d'installer votre cinéma maison. Ce qui nous a amené juste à Bonport, exactement là où on voulait se rendre, c'est la chronique Master Steph qui s'en vient dans quelques instants, mais pour l'instant, on prend une pause à Assemblage Rocky. Reste là, on cuisine quelque chose. Je fais là, puis je suis prête après. Je sais ce que ce n'est pas. C'est pas quoi? Pas du sucre à la crème. Non. Parce que Marie-Laurence, à chaque fois qu'elle arrive en studio, elle dit « Hey, c'est-tu telle affaire? » Elle dit « pas! Spoiler alert! » Ça aurait été parfait si la pub avait parti, là. Fou de transformation. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage Requis, son nom est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Aux dernières nouvelles, ça reste Mathieu Plante. Oui. On est mercredi. Oui. On est à la fin de l'émission. Je pense que c'est ma journée préférée. C'est la journée préférée de tous. C'est notre moment préféré pour pouvoir déguster quelque chose de bon et vous, de pouvoir saliver à la maison sans pouvoir écouter. Non. C'est Master Steph. Master Steph, la chronique pour laquelle on cuisine la bouffe cochonne et décadente du net. C'est rendu cochonne et décadente, avant c'était juste décadente. Cochonne, j'ai hâte de voir ça. Eh ouais. Moi j'arrive sur la page Facebook comme à chaque semaine et faut que je fasse attention parce que les photos s'affichent toutes. Ben oui, je pensais les autres, ça fait chier. Non. J'essaie de ne voir que la première photo, je ne sais pas ce qui s'en vient, mais j'ai bien hâte de savoir. Bon, donc oui, mais dans Master Steph, hein, ben moi... Tu sais, je fouille sur Internet et on trouve toujours des recettes un peu décadentes, mais le genre de truc qu'on n'ose pas faire à la maison. Je me dis, ah, c'est peut-être mauvais. Mais... Je vais engraisser. Non, ouais. Pas que c'est vraiment mauvais. Il me semble que c'est pas bon pour la santé. Puis, mais c'est toutes des recettes qui nous attirent l'œil. Mais moi, je les fais pour vous. Et comme je les partage, je suis pas pognée à toutes les manger toute seule. J'engraisse un petit peu moins. Un peu moins. Aujourd'hui, Mathieu, qu'est-ce que j'ai préparé pour toi? Qu'est-ce que t'as préparé? Ah! Je l'ai fait vraiment pour toi quand je l'ai vu. J'ai dit, ah, me semble que Mathieu serait content de manger ça. Et j'ai fait pour toi une tarte au pamplemousse. Hein? Au pamplemousse? J'aime tellement ça. Mais je sais, tu capotes ces temps-ci sur le pamplemousse. Oui, le pamplemousse, je trouve ça délicieux. Donc, j'espère que ça va être à la hauteur de tes attentes. Sûr que oui. Donc, si à la maison, vous voulez suivre la recette avec nous, c'est tout simple. Vous allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Vous allez dans les albums photos. C'est important de passer par les albums. Ouais. On clique sur Master Steph et à la toute fin, vous aurez les ingrédients et les photos. Sinon, c'est pas dans l'ordre. Fait que vous allez faire des bouts de recettes, de différentes recettes. Ça va être c'est bizarre. Ça. Vous allez trouver ça mêlant. Du bacon. Bacon. Là, je suis rendue avec de la pâte. Puis cannelle, là, citrouille. Hein? C'est ça. Vous allez être un petit peu mêlé. Donc, important de passer par les albums. Donc, c'est quoi les ingrédients que ça prend? Écoute, c'est très facile. Ça prend presque rien. Mais premièrement, ça prend une pâte à tarte à maison ou du commerce. Donc, moi, j'ai fait la même recette de pâte à tarte que je fais toujours. Donc, j'ai pris la même que, je sais pas si tu te souviens, de la tarte crème de banane au cul noir. Ben oui. Donc, j'ai fait exactement la même pâte à tarte. C'est ça, la Eagle Brand, là? C'est ça que tu utilises, c'est ça? La pâte à tarte, c'est ça? Non. Je connais pas ça, moi, Eagle Le Brand. Le Eagle Brand, c'est du lait condensé sucré. Je connais pas ça. Et ça prend deux boîtes de lait condensé sucré. OK. Ensuite, ça prend une tasse et quart de jus de pamplemousse fraîchement pressé. Là, moi, je garde. Là. Je sais-tu combien de pamplemousse ça prend pour faire une tasse et quart? Fait que j'achète du jus de pamplemousse. Ben oui, 100% jus, là. Ah ouais, ben c'est oui. Ça, là. M'emmener. Pas charrier. Et finalement, deux œufs. C'est tout. Deux œufs. Ça prend juste ça. Trois ingrédients, dans le fond. C'est juste ça. Ah ben ça, c'est ce que t'as écrit. Donc, si vous regardez la photo 1, vous avez les ingrédients, mis à part la pâte à tarte qui fait pas partie de la recette, trouvée sur le blog. Photo 2, on s'en va à la préparation. Photo 2, à zoom in. Attends un peu, là. Zoom in, mais t'as zoomé. T'as vraiment pris une photo du vrai truc de température sur ton vrai four. Oui. C'est pas du Photoshop, ça, là. Non, mais c'est parce que j'avais pris les ingrédients sur ma cuisinière et on voyait la température en arrière. Fait que je me suis dit, ben zoom in, on le voit déjà. C'est ça. Fait que j'ai zoomé sur la photo. C'est parfait. Et on préchauffe le four à 325 degrés Fahrenheit. Ouais. Et pendant ce temps-là, ben, on fait notre pâte, on la laisse reposer, on abaisse notre pâte. Ensuite, photo 3, 4... On la rabaisse, t'es vraiment pas une bonne pâte. Pour vrai, là. Faut pas dire ça, c'est comme aux plantes, faut leur parler gentiment, comme ça, ils vont être bien meilleurs. Faut remonter ta pâte. C'est ça. Tout va bien aller, pâte. Oh, Seigneur. Lâche pas la patate. Photo 3, 4 et 5. Donc, on doit battre ensemble le lait condensé sucré, le jus de pamplemousse et les œufs. Donc, photo 3, on voit les trois ingrédients avant qu'ils soient mélangés. La photo 4, c'est moi qui fouette le mélange. J'ai habitué à ça avec moi d'habitude, mais là, avec la pâte, c'est différent. C'est ça? Oui, c'est ça. Et photo 5, c'est notre mélange homogène que tout ça a donné. Photo 6, on va verser le mélange à tarte dans la croûte à tarte. faut faire attention pas trop remplir le moule de croûte qui dépasse parce que ça va gonfler pendant la cuisson. Ensuite, on va mettre la tarte au four pendant 45 minutes. Okay. Au bout de 45 minutes, le mélange va être encore grouillant. Là. Tu vas shaker et ça va être un peu de jello. Mais ça va avoir quand même l'air ferme. Ça, ça va pas couler. Ça va juste shaker un petit peu comme... comme une bedaine. Ouais. C'est ça. Et finalement, photo 7. On laisse refroidir dans le réfrigérateur pendant 2 heures pour que le mélange fige. Et on sert froid. T'as fait un Pac-Man avec? Ben, c'est vouloir. Une pointe de tarte. Non, c'est j'y ai pensé quand j'ai pris la photo. C'est jaune. C'est jaune, c'est un Pac-Man. Donc... Il y a une petite note hein, sur le blog quand même. Ça dit, c'est pas une tarte très ferme, OK? Elle est délicate et va ramollir à température de la pièce. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de jus de pamplemousse pour ajouter du goût. Donc, pour une tarte plus ferme, on peut enlever un quart de tasse de jus de pamplemousse et cuire la tarte 25 minutes au lieu de 45. Wow! Moi, au début, je m'étais dit, ah ben je vais m'arranger pour que ce soit plus ferme et je vais mettre du zeste de pamplemousse dedans pour augmenter le goût. Mais là, après, je suis allée lire les commentaires sur le blog et la fille conseillait de ne pas utiliser le zeste parce qu'il y avait déjà beaucoup de pulpe dans le jus de pamplemousse et tout ça. Je dis bon, ben je vais essayer avec une tasse et quart, puis on verra ce que ça donne. Et finalement, ça a quand même donné quelque chose d'assez ferme. J'ai pas eu de misère du tout à la trancher. Là, ça a pas coulé, ça a fait une belle pointe bien définie. Et bien entendu, moi, à la maison, j'ai des testeurs. Donc, j'ai mon ami et mon chum qui se sont garrochés dedans. Donc, elle a déjà plus l'air de ça. Mais il en reste. Oh. Ben oui, j'en ai emmené, mais moi, j'ai réussi à pas goûter. Et d'un côté, j'avais « Ah, je trouve que ça aurait pu goûter plus. » Et de l'autre, « Ah, c'est vraiment bon, moi qui aime pas le pamplemousse. » Donc, j'ai eu plein d'opinions assez diverses. Donc, à nous d'en juger par nous-mêmes lorsqu'on va goûter à cette tarte-là. On va bien voir. Moi, je te dirais, j'ai... Anecdote comme ça, c'est toi, t'as ta religion mormone qui t'empêche de boire de l'alcool depuis quelques jours, semaines de ta conversion. Mais moi, j'ai une condition d'avoir des allergies. Et apparemment, t'es pas supposé prendre de pamplemousse quand t'as des allergies et tu prends des pilules d'allergie. Moi, j'ai toujours dit fuck that, j'aime le pamplemousse, j'en mange pareil. Que si je meurs, bon, moi, je serais mort heureux. Hein? Mais ouais, t'as tellement mangé de pamplemousse, je sais pas pourquoi tu serais mort. Ben, c'est ça, je sais pas, c'est ce qu'ils disent. Ben non. Ils disent ça, spécifiquement du jus de pamplemousse. Hein? Je comprends pas. Oh, mais il est Regardez, cherchez, vous allez voir. Ça doit pas être pareil, il est cuit. Ça doit pas être pareil. Moi, je bois des bouteilles de jus de pamplemousse. Pour vrai. Bon, t'es pas mort. Mais non. Ben là, j'ai pas envie de te tuer. Pas fort, mais pas mort. Ensuite, moi, quand je cuisine, j'ai tendance à licher la cuillère, les cuillères de pâte. Hein, donc, je pense que c'est un réflexe de gourmand que plusieurs ont. Donc, sans trop y penser, moi, j'ai liché la spatule de lait condensé hein, parce que c'est sucré. Mais c'est dégueulasse. Ah oui? Il y avait comme un arrière-goût de, tu sais, souris ou quelque chose du genre. La fille de Tom Cruise? Mais... Laisse faire. Hein? Ouais, non. C'était vraiment mauvais. Bruno Souris? Ouais, c'est ça, exact. Non, c'est Bruno Souris. La fille de Tom Cruise s'appelle Bruno Souris. C'est vraiment bizarre. Donc, bref, l'odeur m'est restée dans le nez tout le long de la cuisson. Je trouvais que ça puait, là. J'étais comme, arc, on dirait que j'ai pas le goût de manger ça. C'est quoi ça, Diego Brand? Me semble que ça sentait pas ça. Mais je me suis dit que c'est peut-être parce que je suis rendu mormon. T'es rendu mormon? C'est peut-être à cause de ça. C'est la conversion. Peut-être que la mormonitude fait que le Eagle Brand... Enfin, en tout cas. Mais là, la tarte, elle sent plus ça du tout après cuisson. Donc, ça me semble très correct. Chance. Ensuite, comme vous voyez sur la photo, j'avais quand même pris un pamplemousse. Ouais. Parce qu'au début, je voulais zester mon pamplemousse pour ajouter à la tarte. Finalement, je me suis ravisée. Je me suis dit, hey, pourquoi je ferais pas... du pamplemousse confit. Donc, c'est de la pelure de pamplemousse que tu vas faire bouillir à plusieurs reprises pour enlever toute l'amertume dans la pelure. Et ensuite, tu le fais bouillir dans du lot. Dans du lot? Du lot? Dans de l'eau, okay. Beaucoup de sucre et un peu de sirop de maïs. Et après ça, une fois que ça t'as un peu égoutté le sirop, tu roules ça dans le sucre et ça fait comme des jujubes au pamplemousse. Mais comme... tu l'as raté, non? Comme la semaine dernière, il y avait beaucoup de sucre, ça fait comme une espèce de sirop de caramel. Je l'ai brûlé! J'étais tellement fâchée, mais j'ai... Deux fois! Mais c'est parce que là, je me courais partout parce que je faisais souper en même temps. J'essayais de télécharger Walking Dead. Ah, come on! Fait que bref, je me courais partout. Non, je pense que c'était Arrow hier. Ouais, ouais. Fait que bref, je me courais partout et j'ai comme cligné les yeux, puis ça a brûlé. Wow! Mais je te jure, Mathieu, je vais un jour te refaire de la pelure de pamplemousse confite. S'il te plaît. Parce que ça avait l'air tellement bon, là. Je veux refaire ça. Et tu peux même les tremper en partie dans le chocolat. Aïe, ça te tente-tu? Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais refaire ça. Beaucoup. Je te le promets. Je me suis dit, je vais pouvoir décorer ma tarte avec ça. Ça va être super beau. Mais j'ai out. Ouais. Oui. Je flambe tout chez nous. Je suis un petit peu triste, là. Je vais t'en refaire. Ouais. Écoute, on va essayer de se remonter le moral un peu. On va prendre une petite pause en musique avant la dégustation. Qu'est-ce que tu dirais, Mathieu, si on allait entendre la pièce Grapefruit? Okay. Et ça, c'est de la formation Warm Digits. Ah, c'est comment que ça se prononce, ouais, Digits? Exactement. Ça va entendre ça? Thank you. Grapefruit de Warm Digits sur leur album Keep Warm with the Warm Digits. C'est bon. Mais ça que c'est bon. Pamplemousse. Pamplemousse. Pamplemousse. Pamplemousse. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, des pamplemousses dans Master Steph, Steph. Ben oui, tu m'étonnes. J'ai cuisiné une tarte aux pamplemousses pour toi, Mathieu. Ça a-tu pas d'allure, ça? Juste pour moi, t'es trop fine. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je sais pas. T'as un chandail avec des petites bébites pixelisées dessus. Merci. C'est pas un compliment, c'est une affirmation. Donc, écoute-moi, je te passe la tarte. T'es-tu prêt à goûter à ça? Passe-moi la tarte, m'en passer des rencontres au début. Oui, je sais pas ce que ça veut dire. Merci, c'est un morceau. C'est pratiquement. Ouais, mais j'en ai fait un gros. C'est un gros morceau. On sent pour commencer. Ben ouais, moi je trouve que ça sent le Suri de Legal Brand, mais c'est mon opinion. Je connais pas Legal Brand, mais j'avoue que j'aime pas tant l'odeur. Mais ça sent pas le pamplemousse. Zéro. Fait qu'on va arrêter de sentir puis on va y goûter. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, essayons même de ne pas la sentir du tout. On se prend une petite pointe de ça. Ça se coupe quand même bien, la pâte en tant que telle. Ça se coupe, ouais. Ben oui. Je me suis poignée dans le micro. Je cherche le goût du pamplemousse. Mais ça goûte pas assez. Ça goûte pas assez le pamplemousse du tout. Il y a un petit peu d'agrumes style. Oui, on le sent. On le sent un minimum, mais non, c'est clairement pas assez de pamplemousse, je crois. Et pourtant, il y a quand même vraiment beaucoup de jus dedans. Là. C'est crémeux. Oui. Mm-hmm. La texture est super belle. C'est comme... C'est pas gélatineux, mais c'est quand même ferme, étonnamment, contrairement à ce que la fille du blog avait dit. Là. Mm-hmm. Mais c'est très fondant, c'est très bon. La pâte est bien feuilletée. On a la sensation rafraîchissante de l'agrume, sans avoir vraiment le goût spécifiquement du pamplemousse. Je trouve que c'est très tarte dessert estival, je dirais quasiment. C'est très subtil, là. C'est quasiment une tarte au sucre avec un léger goût agrume derrière. Tarte au sucre, j'avoue que ça goûte un peu ça. C'est vrai, ça. Les tartes au sucre, celles qui sont plus, comment dire, celles qui ont plus une texture gélatineuse d'épicerie, là, tu sais. Ça goûte un petit peu ça. Pas les tartes au sucre avec des morceaux de sucre. C'est plus solide. T'sais. Mais c'est bon. Mais ça goûte pas assez à mon goût. T'as pas l'air convaincu. Moi non plus. Ça goûte pas assez. Ça goûte pas assez, mais c'est ça. Souvent, ça goûte pas assez. C'est souvent le commentaire qu'on a dans les recettes à date, c'est ça goûte pas assez. Je pense que c'est un conservateur dans les portions. Dans les proportions. Ouais, ouais. Sur les recettes qu'on trouve. Moi, je pense que je vais essayer tout le temps à mettre le double. Ben, pas de tout, parce que sinon, ça va juste faire deux fois plus de. Mais moi, deux fois plus de pâte à tarte, j'aimerais ça. C'est bon, la pâte. Ah, je peux te faire une grosse boule de pâte. Une grosse boule de pâte. Je serais prenant. Mais on va continuer de manger ça hors onde, parce qu'on a bien aimé, je pense, manger cette petite tarte-là. Ça reste très bon et sucré, léger goût d'agrumes. Mais si on cherche vraiment quelque chose de très agrumé, c'est peut-être pas ce qu'il nous faut. Agrumeux. Agrumeuse, ça fait des. Il n'y a pas de grumeux là-dedans. Pas comme faux! Donc, une fois qu'on a goûté à ça, c'est le moment de passer au truc et astuce, n'est-ce pas? Bien sûr! Truc et astuce! Toujours deux mélodies différentes. Les trucs et astuces de Master Steph. C'est du rap, du slam. Ah, c'est comme Random Recipe. Truc et astuce! Ok, ça va faire. Donc, truc et astuce de Master Steph. Oui, Mathieu! Si t'as des carottes, des céleris ou des brocolis qui sont un peu fanés, un jamais. Peu défraîchis... J'ai pas ça. Danny, ouais. Admettons que t'as des carottes, des céleris ou des brocolis qui sont un petit peu mous, on l'a mis une basse. Mais pour les rafraîchir, il suffit de les plonger dans un bain d'eau avec des cubes. Ben, pas littéralement le bain, là. Mettons un bol dans l'évier. Tu remplis ça d'eau avec de la glace, puis ça va les... Ouh, ça va les... Les raviver, les repimper. Oui, oui, exactement. Wow. On peut faire ça avec la laitue aussi. Hein? Les feuilles vont reprendre un peu de crunchy. On aime ça quand c'est crunchy. Ça, c'est un terme scientifique. Hein? Crunchy? Oui. Ouais, yep. C'est une barre de chocolat aussi. C'est bon. Ensuite, pour dégraisser, par exemple, un bouillon de viande ou de volaille, il suffit de mettre quelques feuilles de laitue dans le bouillon. Les feuilles vont absorber la graisse sans rien changer au goût. Et ensuite, on les retire après quelques minutes et ça va avoir tout ramassé le gras. Wow! Hein? Intéressant. Mm-hmm. Ensuite, pour ne pas pleurer quand vous épluchez des oignons, c'est plat. Ouais. En acheter des pré-coupés? Non. Ouais. Passez ton couteau sous le robinet. Mais juste genre pas allumé, juste passer sur le robinet. Flou, flou, flou, mais il n'y a pas d'eau. Ah ben là, c'est pas de ma faute, moi c'était niaiseux. Faut que tu me précises. Tu passes ton couteau régulièrement sous l'eau, okay. Du robinet. Chaude, froide, tienne. On sent en sac. OK. C'est pour rincer ton couteau. OK. Ensuite, par exemple, si tu as mis trop de sel dans un plat pour diminuer le trop plein de sel hein, dans un plat, il faut y mettre un morceau de pomme de terre et laisser mijoter à feu doux pendant environ 10 minutes et la pomme de terre va absorber le trop plein de sel. Wow! Parce que c'est pas évident d'enlever du sel. Ben non. Et finalement, si tu veux couper les mauvaises odeurs de friture, ben tu vas ajouter le jus d'un citron à l'huile de ta friteuse et finis les mauvaises odeurs. Avant? Ou après? De pas te dire. Avant de partir. Adieu. Mais c'est avant de partir tout ça, puis ça ne sortira pas pendant la cuisson, ou c'est après, puis ça va annuler l'effet qui vient d'avoir lieu, c'est ça? C'est celle-là, je pense. Non, non, mais quand tu mets ton huile dans la friteuse, ouais. Tu mets du jus de citron, puis t'es correct pour ta run d'huile. Ah, fait qu'on devrait aller dire ça à Chasse-Galerie pour les mardis et mercredis entre 4h et 8h qui sort des ailes de poulet, puis je suis pas capable de supporter ça, faut que j'en achète une fois rentre chez nous. Ça pourrait être une bonne idée. Ouais. Un peu le jus d'un citron dans ton huile. C'est beaucoup trop pour moi, ça, les ailes de poulet à la Chasse-Galerie. Trop. C'est dur, hein? Mais je l'apprécie, mais c'est beaucoup trop. Ça me donne un bon repas le mardi et mercredi soir. Voilà! Voilà, wow! Voilà, c'est déjà tout pour Master Steph. Ah, c'est merveilleux d'avoir en plus les trucs et astuces. C'est vraiment une chronique complète qu'on fait chaque mercredi à 9h. Master Steph. Ah. Génial. Merci, Steph. La tarte. La tarte, on y retourne. Hein? Oh, qu'on y retourne. J'allais dire on y retarte, mais... Non, c'est ça. Ben, j'avais commencé à y penser, puis j'ai abandonné assez rapidement. Oh, c'était pas terrible. Hein? Pas terrible. Même moi, je l'aurais pas fait. Mais je l'ai pas fait. Non, c'est ça. J'ai juste dit que je la ferais pas. Si, non, exactement. C'est si quelqu'un l'avait dit, et je cite, on y retarde. Ça, c'est, je veux dire, honte. Bon, j'aurais honte. On commence l'émission en retard ou quelque chose comme ça, tu sais. Mais ça aurait été horrible. Horriblement mauvais, mais bon, on fera pas ça. C'est tout pour Assemblage Recul hein, pour déjà? Aujourd'hui. Mais nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 pour une autre nouvelle édition d'Assemblage Recul. Restez sur nos ondes. Le dîner de con s'en vient à 11h avec Danny Janvier. À 13h, c'est l'émission sur la périnatalité. On a appris tantôt que péri, ça veut dire à l'intérieur de. Maintenant, c'est ça, autour. De ça, j'ai dit. Connaître ensemble, donc à 13h. Tu vois comment j'ai retenu ma leçon. À 14h, c'est les Palmarès C'est Fou en direct avec moi-même, accompagné de Jean-Philippe Charbonneau la plupart du temps. À 17h, c'est Palmarès du Monde avec David Ferron. 18h, Audiomatique. 19h, Les Audacieuses. C'est fou.ca pour la programmation complète. Les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagerequis.com. Demain, l'émission, on sera jeudi. On va avoir Justine Renaud. Ouh! Et sa chronique musico-scientifique, ainsi que Laurent Constantin, la chronique sur les sexualités du campus. C'est demain. On se quitte avec, une pièce de D-Man Queen. Ah, parfait. C'est bon, ça, D-Man Queen. Mais on s'en va entendre leur pièce du palmarès qui s'appelle Sucker Punch et on se retrouve demain. Bonne journée. Bye.